Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptons celui de grandeur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, que Jésus laissant trembler, comptons sur lui de bonheur. Tant que Dieu dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptons sur lui de l'honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Comme approuve ou comme blâme, et demain aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame jamais compté que sur lui. Comptons sur lui de l'honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, lui tout est là. Comptons sur lui de l'honneur. Tant que le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Comptons sur lui de l'honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. 126. Chant de victoire. C'est de victoire. Attention. Or circulaire frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes. Séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Séculaire, frappé

Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. fils ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme empoisonne tous nos cœurs. Nous devenions par toi sainte victime sur la mort même, un peuple du vainqueur jusqu'à la mort. La mort, c'est notre cri de guerre. Oh!

toujours, à tout lieu, à toute heure. Car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi quand le bruit de la terre font oublier. Veillez sur nos cœurs. Nous voulons savoir entre nous faire et savoir si nous veillons vraiment sur nos cœurs comme nous chantons. Il faut lever une prière et remercier le Seigneur parce que sans lui, nous ne pouvons pas être ici ce soir. Et que nous veillons, priez, d'être toujours prêts en sorte que l'ennemi nous en réponde. Veillons. Afin de ne pas empêcher, ô Père, nous t'en supplions, donne-nous en tant que vous, en tant que nous, corps, au nom du monde, papa, que nous, Seigneur, de nous sauver les uns les autres et de glorifier ton Saint, papa. Nous t'en supplions, nous avons besoin de toi, Seigneur. Que nous, Seigneur, d'accomplir, Seigneur, ta volonté par le Dieu. Papa, c'est donc que tu nous as mis destinés dans la capacité de la confondre. Papa, nous t'en supplions, papa. Ô Seigneur, agis, Seigneur. au dans de notre agir au dedans de notre Seigneur. Oh mon Dieu, Mes frères, levons la voix et soumettons nos cœurs et nos pensées entre les mains du Seigneur. Que lui-même y règne dans nos pensées. Amen. Et qu'il dispose nos cœurs pour ce soir. Amen. Père, nous sommes en train de nous voir, Seigneur, nous vivons entre la main, nous pensons, Seigneur, nos cœurs. Afin, Seigneur, qu'on puisse nous cuire, Père, pardonne-toi, Seigneur, pour nous donner d'être connectés à toi. Seigneur, dans ce monde, nous chantons par notre volonté, Seigneur, par notre force, Seigneur, mais par ta grâce, par ta puissance, au nom de Jésus. Parce que quand nous nous soumettons à toi, Seigneur, te souviens, Père, à toi, Seigneur, au nom de de nous connecter par toi, Seigneur. De nous connecter au chemin de ta grâce en toi, et pour nous faire, Seigneur, donne-nous ce que tu as besoin de toi. Donne-nous de nous faire toi, Seigneur. Oh, selon la portion de tout ton jamais, en nous, oh Dieu, papa, pour ce que tu as mis, enseigne-nous ça, donne-nous, Seigneur, la portion de ton jamais, c'est que tu es grand, et que tu es grand, et que tu es grand, et que tu es grand, Amen. Come back. 126. Roc circulaire. Donc c'est qu'il est roi pour moi. Calvaire, je viens à toi. bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bénissez-vous les uns les autres. Salut quelqu'un en disant que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je vois que moi je vais te chercher dans cette chose. Saluez-vous les uns les autres. Que le Seigneur te bénisse, mon cher frère. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Salut ton frère, salut ton frère, salut ton frère. Dis que le Seigneur te bénisse. Salut le Seigneur, oui. Salut ton petit frère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Salut ton pasteur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Mettez la louche à soi, Amen. Prends les deux chaises rouges là, tu mets pour les enfants, c'est ça. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous tous dans le monde entier, que notre Dieu vous bénisse. Amen. Nous faisons croire que vous avez bien participé à cette louange. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu bénisse. Bénissez tous les gens dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen. Vous allez bien, veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Les hommes qui sont des gentlemen, veuillez donner la place aux femmes. Amen. Donne les petites chaises pour les enfants. C'est les petites chaises. Merci, merci. Merci. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, je vais vous mettre la climatisation, d'accord? Amen. Vous aurez des choses comme ça. Permettez que les femmes s'asseyent sur le canapé. Amen. Amen. Amen. Ce sont les princesses du Seigneur Jésus. Amen. Il ne faut pas seulement vous dire à la radio que dans les enseignements, je les fustige. Quand elles sont les filles de Sarah, donnez-leur la place qu'il leur donne. Amen. Qu'il les faut. Amen. D'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse. Donnez aussi des petites chaises à ces enfants aussi. Qu'ils s'asseyent. Voilà comme ça, de soi. Où sont les petites chaises, mes enfants là? Décidé. Je crois que cette chaise va aller là-bas pour vous asseoir. Là-bas, pour apportez une chaise, les chaises rouges, les deux chaises de ces enfants. Que le Seigneur bénisse mon père. Où sont les chaises des enfants? Si mettez, mettez là, les enfants, c'est que ces enfants s'asseyent. C'est vraiment le prince. Assieds-toi. Vous allez bien? Vous allez bien? Est-ce qu'on peut commencer? Vous avez votre téléphone fermé? Amen. Je crois qu'il y a des gens qui sont assis là-bas, les femmes. Alors, on va dire bonsoir. Bonsoir à la Sainte Suzanne Claudin des Pays-Bas. Bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Attends, on t'entend pas bien par ici. Attends. Bonsoir, la sœur Suzanne. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas si c'est ton mari que tu esquives dans la maison en entrant dans toutes les pièces parce qu'on te voit toujours en mouvement. C'est ton mari que tu esquives. Désolée. Eh oui, faut bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir, hein, vraiment. Hein. Amen. C'est très chaleureux, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Oh. Amen. C'est Amen. Adieu. Amen. Alors, la sœur Suzanne, tu n'es pas seule en ligne. Je crois que tu vas chercher ta Bible. Le frère Jobin du Maroc, vous êtes nombreux également là-bas. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va là-bas au Maroc? Ça va bien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. J'espère que vous avez chanté les cantiques avec nous. Ok, j'espère que à notre venue là-bas, on va se rencontrer avec tous les frères qui sont à côté de toi. Salue-les-moi. Amen. La sœur Marie-France de France. Marie-France, mais normal que Marie-France est en France. Donc, Marie-France en France. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Amen. Amen. Amen. Frère Jean-Paul et la sœur Flavie du côté de l'Allemagne, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, soyez bénis. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Monsieur et Madame David de Maryland aux États-Unis, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Et enfin, nous avons, je crois qu'il y a des gens qui vont encore se joindre à nous. Mon frère Étienne avec la sœur Jackie. Bonsoir. Bonsoir. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Je crois qu'il y a une personne là que Dieu peut encore vivre. Il y a une personne qui s'est. Donc, je ne sais pas. La sœur Carole, bonjour. Bonsoir l'église. Bonsoir. On voit seulement ton front. On voit seulement ton front. Du côté du Canada. Comment tu vas? Amen. Ça va bien. Je suis contente de voir les sœurs. Je salue toutes les sœurs. Non, ah, Il y a les frères. Donc, je vais essayer de joindre les autres frères là-bas. Comment vous allez, allons-vous là? Comment vous allez, les sœurs? Les sœurs de quel côté? Mais tu n'es pas une sœur. Mais par la grâce de Dieu, papa, nous allons bien. Nous allons bien. Amen, amen. Je suis très heureux pour nous de pouvoir participer à la réunion avec vous en ligne. Là. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Donc nous allons essayer de joindre le frère Il Martial et sur du côté de Tokyo, au Japon. Il croit qu'il va être une heure ou deux heures là-bas. S'il se réveille là, c'est seulement pour dire bonne nuit et dormir. Il va dire bonne nuit en japonais, il va dormir. Comme il s'est dit tout. Vous tous, vous allez bien? Vous voyez que Suzanne est toujours en plein mouvement. Du côté des Pays-Bas, il y a le droit là-bas. Pourquoi tu as un mouvement comme ça? C'est bon, je suis installée. Merci beaucoup. Voilà. Quand vous serez installée, je crois que prenez les Bibles, on va prier, on va commencer. Voilà, c'est bon. Alors, parmi vous, déjà, quelqu'un a-t-il des questions de votre côté là-bas? Chacun, quelqu'un a-t-il des questions? Un sujet qu'il voudrait qu'on traite? Frère Jobin, j'espère que ce n'est pas la police qui va vous arrêter devant du côté du Maroc. Non, pas du tout. Mm-hmm. Parce que si ça se passe, tu restes tranquille, on voit cela en direct. Ok. Y a-t-il des questions? Père Junior. Oui. J'ai une question. Oui. Parce que dernièrement, j'ai écouté l'enseignement que tu as donné aux sœurs avec les thèmes, les versets bibliques que tu lui as donné à lui. Oui. C'est cette semaine que j'ai vu ça et j'ai vu le passage que tu lui as demandé de lire 1 Samuel 1 et 2. Oui. Et j'ai lu le verset en disant, j'ai vu le passage où Pénina, la parole nous dit que Pénina la mortifiait Anne chaque jour pour la pousser à se révolter contre Dieu. Oui. Mais ça m'a beaucoup. Je me suis posé la question, pourquoi c'est contre Dieu qu'elle devait pousser pourquoi contre Dieu? N'était pas contre. Quel était l'objectif de pousser sa épouse à se révéler contre Dieu? Bonne question, ma soeur, bonne question. Vous, les autres, vous avez suivi cette question-là? Oui. Oui. Okay. Oui. En fait, ma soeur, si vous lisez dans l'Ancien Testament de la bonne façon, vous allez remarquer que les gens n'avaient pas la révélation de Satan pour commencer. Ils n'avaient pas la révélation, la pleine révélation que le diable était derrière les histoires pour les créer des problèmes. D'accord, ça c'est l'une des choses. Et par conséquent, quand il y avait n'importe quoi, ils savaient que c'était Dieu qui était derrière. Et même, pour aujourd'hui, quand vous avez quelque chose, vous servez Dieu, vous priez, certaines choses ne marchent pas. Vos ennemis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ton Dieu là est où? Ils te poussent derrière le Dieu, n'est-ce pas? Ça fait que plusieurs d'entre vous, quand vous allez au miroir, vous pleurez derrière Dieu, que Seigneur, tu es où? Pourquoi tu me laisses me faire ceci? Vous n'avez jamais accusé Satan? Vous accusez toujours Dieu en disant que pourquoi tu me laisses? Pourquoi tu me laisses? N'est-ce pas, ma soeur? Ceci devait nous fortifier maintenant pour que nous ne murmurons pas, parce que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas besoin de murmurer. On n'a pas besoin de donner. On n'a pas besoin que Dieu prouve son amour pour nous encore. Il a prouvé en donnant Christ à la croix pour nous. Amen. Donc, aucune situation qui nous arrive, on doit pleurnicher devant Dieu en disant que tu nous vois, tu nous vois. D'accord? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Des questions encore? Oui, moi peut-être. Oui, la sœur Suzanne. Merci. Oui, merci alors là, je voulais poser une petite question justement. Oui, vous venez d'abord dire bonsoir à vous tous en ligne. Vous n'êtes pas salués d'abord, vous les gens de froid là. Vous avez froid, vous ne vous dites pas bonsoir. Bonsoir. Tu es dans le froid, tu es dans la chaleur ici. Voilà. Allons-y, la sœur Suzanne pose ta question. Bah ouais, bah je pose la même question. C'est, ça rejoint justement la question précédente. Oui. Je voulais savoir justement quand on est dans l'épreuve. Oui. Et que justement le diable il est contre nous et tout ça. Alors moi ma question était la suivante, pourquoi justement le Seigneur il n'est pas là pour comment dire, je sais pas si je peux me permettre, hein, enfin pourquoi justement Dieu n'est pas là pour intervenir, est-ce que pour que le diable justement ne nous enfin, il n'est pas pour le protéger, quoi. Enfin, je ne sais pas si tu comprends la question. J'ai bien saisi la question, ma sœur Suzanne. Depuis que tu as cru au Seigneur, as-tu été malade? On compte chez toi, là. On compte chez toi. C'est chez la sœur Marie-France. Non, je ne compte pas. C'est chez qui? C'est ma mère. Non, je crois que c'est au Maroc, là, qu'on veut les arrêter, là. Alors, la soeur Suzanne, depuis que tu es chrétienne, est-ce que tu as été malade une seule fois? Depuis que je suis réellement venue en Christ? Non, je sais que tu as été forcément d'abord venue en Christ. Je dis depuis que tu es chrétienne. Oui. Tu as été malade. Qui était l'auteur de cette maladie? Je sais pas, je pense que c'est le diable. Ok. Le diable, quand il vient dans ta vie, son but c'est pour faire quoi? T'es tué ou bien te donner la vie? Me tuer justement. Pourquoi ben, cette maladie n'a pas pu te tuer? Parce que tu as de dire que pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi n'a-t-il pas pu te tuer? D'accord. Ok, d'accord. Tu as compris, n'est-ce pas? Donc, le diable, quand il avance dans notre vie, dans nos vies, il avance selon la mesure et les limites que Dieu lui a assignées. Amen. D'accord. Le diable a le pouvoir de tuer tous les êtres humains sur la terre s'il le voudrait, s'il le pouvait. Mais Dieu lui a assigné des tâches bien précises. C'est pour ça que c'est le premier serviteur du Seigneur. Ah ouais, donc en fait, si je comprends bien, oui. Si je comprends la logique de ce que tu viens de dire, oui. Ça veut dire que des fois c'est le Seigneur qui lui donne des tâches. Absolument. Si tu lis le livre de Jean. Donc ils travaillent ensemble alors. Oh non, pas qu'ils travaillent ensemble, ils travaillent en complicité. ils travaillent en complicité, pas ensemble, d'accord? Parce qu'il a un grand salaire qui lui est réservé, l'enfer. Il mérite bien son salaire. D'accord? Si tu lis le livre de Job, lorsque la Bible déclare que les fils de Dieu étaient présentés devant Dieu, Satan s'est présenté également. Et Dieu lui a demandé, où étais-tu? Il dit de me promener sur la terre. C'est Dieu qui l'a attaqué en disant, quand tu te promenais sur la terre, as-tu trouvé mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui, créant Dieu, c'est retournant de mal. Il est intègre et juste. Vous voyez? Et puis là, ils ont commencé la conversation. Dieu lui a donné l'opportunité d'aller attaquer Job. Tu vois ça? J'ai bien compris. D'accord, la soeur Suzanne. D'accord, frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Mais moi, j'aurais plein de questions. Je suis chiant pour les questions. Hein. Non, mais sinon, il sait que tu es prêt. Il sait que tu es prêt. Depuis que tu es devenue vraie chrétienne, il y a plein de questions, c'est normal. Merci, très bien. Merci. Ok. Du côté du Maroc, y a-t-il des questions là-bas, frère Jobin et autres, vous, les frères qui sont à côté de toi? Y a-t-il des questions? Frère Junior. Oui. J'ai une question concernant les hommes de Dieu. Par exemple, moi. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans une assemblée quand j'étais à Brazzaville. Oui. Avec cet homme-là, dont je croyais être mon pasteur. Oui. Mais avec le temps que Dieu m'a permis d'avoir ici, en contact avec vous et avec les enseignements que je suis suivi, oui. Je commence à voir qu'il n'est pas un pasteur envoyé de Dieu. Oui. Alors, comment expliquer cette ignorance dont les autres sont toujours plongés à l'intérieur? Comment expliquer cette ignorance que les gens ne sont pas du tout au courant de qui il est véritablement? Je crois que la personne qui est bien placée pour expliquer cette ignorance, c'est toi qui as vécu cela. Pourquoi tu étais ignorant? Comment tu ris encore? Dis-nous comment tu as fait pour être ignorant alors que c'était clair dans la Bible. Je ne sais pas comment expliquer, franchement. Je ne sais pas. Tu Parce qu'il y a tous les attributs d'un homme. C'est-à-dire, si tu vois l'apparence, il est comme un véritable homme de Dieu. Après, là, je commence à lire la Bible, je comprends qu'il n'est pas en fait un véritable homme de Dieu. Alors, frère Jobel, oui. Comment est l'apparence d'un véritable homme de Dieu, l'apparence? Pour nous, les hommes, je parle pour nous, les hommes, quand on voit quelqu'un qui prêche bien, qui prêche bien le mot, qui explique bien les choses, on voit que c'est un homme de Dieu. Est-ce que c'est le standard là-bas? Est-ce que c'est ce que la Bible dit donc? Frère Camille, bonsoir et bonne arrivée. Frère Camille du Canada également. Tu viens, tu ris seulement, tu es en national, tu ris. Bonsoir. Bonsoir à vous. Pourquoi tu ris alors maintenant? Non, parce que c'est la définition que j'entends le frère Jobert à te donner. Parce que je pense seulement que les connaissances qui amènent à ce que les gens pensent que c'est prêcher bien ou bien faire des choses, des spectacles qui poussent les gens à dire que c'est un serviteur de Dieu. Voilà, on t'accueille dans à chaud. Dis-nous pourquoi les gens sont ignorants à ce point-là. Ouais. Il faut d'abord comprendre que moi je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles qui amènent les gens aussi dans un sens à penser de cette manière-là. C'est-à-dire, l'ignorance, c'est quoi? L'ignorance, c'est que déjà pour moi, il y a une chose, c'est qu'on ne connaît pas d'abord quelle est notre place dans le corps du Christ. Oui. On est battu de gauche à droite. Mm. Donc, moi je pense que c'est l'une des premières choses, c'est de connaître à beaucoup de place, comme j'avais écouté des enseignements où tu disais, et j'ai vraiment compris la chose, c'est que si on connaissait vraiment qui nous sommes dans le corps du Christ, oui. Nous devons rester à notre place et attendre que le Seigneur nous appelle à œuvrer dans l'œuvre qui nous a appelé pour ça. Amen, amen, amen. Amen. Frère Jobin, ça va? Oui, ça va. Frère Jean-Paul, est-ce que tu as des questions? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Amen. Le frère Daouda de Maryland, comment tu vas? Des questions? Pas pour l'instant. Je pense que dans les jours à venir. Il y aura une question à la jour à venir. Frère Cyril, bonne arrivée. Frère Cyril. Bonne arrivée, bonne arrivée. Que tu t'es joint à nous, que le Seigneur te bénisse du côté de l'Allemagne également. Frère Junior, j'ai une question. Oui, j'arrive là-bas. Permets-moi de saluer une nouvelle personne, frère Cyril et la soeur Alice. Bonsoir à vous deux, vous le couple. Oui, vous êtes venus en retard. On prend la question. Moi, je suis venu depuis longtemps. C'est juste qu'on n'avait pas. La caméra était trop verte en fait. Ok, que le Seigneur te bénisse. Donc, vous nous écoutez alors à 9 alors. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous prenons la question du côté des frères Jobin. La question. C'est le frère Merci. Ah frère Merci, tu t'es joint au frère. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Vous êtes à Tanger, oui. C'est ça? Oui, à Tanger, parce que j'étais connecté et j'ai envoyé un message en disant que je devais être déconnecté pour me joindre au frère Jobin. Que le Seigneur vous bénisse, d'accord? Amen. Oui, la question du côté des Maroc. Alors, ma question, c'est en fait, je trouve souvent un peu de problème pour comprendre l'Élie de Malachi 4. Oui. Parce que j'ai été dans l'église du message, je sais pas, en 2013. Oui. Et par la grâce, j'ai compris avec d'autres enseignements, d'autres, que je ne voyais pas en fait de la Bible. Oui. Et je me suis retiré. Oui. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un peu de problème sur Malachi 4:5. Oui. Parce qu'on parle d'Élie qui doit encore venir. Et qui il s'agit à. Bonne question. Mais quand je regarde au milieu de l'assemblée, il y a le couple Jean-Paul, il y a le couple Daouda et il y a ma soeur Carole, puis la soeur Suzanne qui ont déjà le cahier de questions. Si je réponds là, ça va encore créer des problèmes. Maintenant, c'est à force de sortir le cheveu blanc maintenant. Donc, tu permets qu'on va traiter ça ultérieurement, n'est-ce pas? Amen. Parce que en fait, dans Malachi 4, il est question que Jésus-Christ vienne avant le jour de l'Éternel, avant que ce jour grand et glorieux, pour établir toutes choses, n'est-ce pas? Amen. Envoyez le béni. Parce que dans ce Malachi 4, il est question de Jean-Baptiste et encore d'Élie qui doit venir. Et il doit venir là-bas même deux fois, parce que la prochaine fois, dans ce même Malachi, où on parle, on dit souvenez-vous de la loi de Moïse. Là, Moïse encore sera encore enceinte dans l'une des fois qu'il va venir avec lui. Donc, c'est une des choses qui égorge beaucoup de chrétiens. Et on va répondre cela très prochainement. S'il y avait des gens qui étaient matières à la parole, je dirais c'était une chose maintenant. Mais la sœur Suzanne, là, c'est qu'elle n'a pas nous laissé ce soir. Des questions, frère Camille, parce qu'on va commencer quelque chose là maintenant, que le Seigneur nous donne un sujet, qu'on puisse travailler. Des questions? Non, la prochaine fois. Ok, branche-moi cet appareil-là, sinon ça va s'éteindre là, comment ça va se couper. Il y a un fil là, le fil qui est derrière toi, branche cet appareil-là, c'est toi qui as débranché. Branche ça, parce que si ça s'éteint là, non, branche tout, ça connecte à cet appareil-là. Voilà, quelqu'un prend son appareil là, tu es là. Donc si ça s'éteint là, c'est qu'on devait connaître faire directement. Prends ça, tu débranches. Oui. Pourquoi on ne te voit pas? Mais pourquoi tu veux me voir, c'est là? Je suis triste. Je ne te vois pas. Je suis triste. Tu vois l'assemblée, non, ma soeur? Oui. Mais on ne te voit pas. Oh, à la fin de la conversation, d'accord? C'est bien ma voix qui sort. C'est bien ma voix qui sort dans les enseignements, non? Oui, mais bon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Merci. On va prier. Oui. Oui, au Maroc. Je suis bien. Oui, juste une dernière question. Je voulais, par rapport au voile de 1 Corinthiens chapitre 11, oui. La Bible déclare que la femme qui prie sans avoir la tête couverte désire son prochain. Oui. Alors, il arrive souvent des cas où, par exemple, si on veut faire passer une opération au niveau du cerveau chez la femme, oui. Alors si elle voudrait prier, que le Seigneur la prie dans cette opération. Alors, parce que souvent dans les opérations, on peut. Les cheveux de la femme, oui. Est-ce qu'elle va vouloir dire d'abord au chirurgien qu'elle va d'abord porter son voile pour prier, parce que la Bible déclare celui, la femme qui prie sans avoir la tête couverte déshonore son chef. Oui, donc, alors le deuxième cas aussi, c'est si, excusez-moi par les termes peut-être, si la femme veut se laver, oui. Et en se lavant, elle prie, est-ce oui. qu'en se lavant, elle va porter le voile oui. pour prier. On se l'envoie avec le vote ou bien il y a quelque chose. Il y a des bonnes questions à l'école de médecine du Maroc. Là, permets-moi de répondre à ces deux questions, là, d'accord? Ok. Amen. Ok. La première chose, c'est qu'on ne va pas en salle d'opération. Là. On va opérer quelqu'un de la tête. On va lui donner quelque chose qui va le faire dormir, pas vrai? Et à moins que tu dis qu'on fait cette opération-là sans anesthésier. C'est ça. Mais je vois très mal d'opérer quelqu'un sur la tête sans anesthésie, n'est-ce pas, mon cher frère? Absolument. Voilà, donc ça veut dire que si elle veut prier, elle dit effectivement à son médecin que permets-moi de prier avant que tu coupes ma tête. Parce que la Bible déclare que est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans se voiler? Il n'a pas dit cas 1, à moins qu'on l'opère. N'est-ce pas, mon frère? Voilà. Absolument. Voilà, on passe à la deuxième. Si elle a laissé laver, elle a eu le temps de quitter sa chambre, s'est dénudée pour aller se laver. Donc, si elle pense qu'il faut en se lavant, elle doit prier, elle met un voile sur la tête. Pas vrai? Amen. Comme elle est trop prieuse à la douche, là, en priant, elle met la tête hors de l'eau, elle prie, elle continue. Parce que si elle pense que c'est trop important de prier sous la douche. Donc, il n'y a pas cas 2 aussi, à moins qu'elle prie sous la douche. N'est-ce pas, frère? L'écriture reste debout. Tout est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans se voiler? Comment mon frère? Oui, ma soeur Jackie. Oui. Je veux ajouter une question à ta question. Oui. Par rapport à ta réponse. Oui. Pour la de la douche. Et si elle a en train de laver ses cheveux? Ah, et si elle est en train de laver les cheveux? Oui. Et qu'il lui arrive elle a l'impulsion de vouloir prier. La Bible déclare. Non, c'est très bon. Si elle a l'impulsion, le Saint-Esprit ne force pas quelqu'un à prier. Le Saint-Esprit est un esprit de l'ordre. C'est que le Saint-Esprit va lui dire que va d'abord, finis de laver tes cheveux, puis tu pries, tu mets ton voile, tu pries. Amen. C'est simple, n'est-ce pas, ma soeur? Mais quoi? Le Saint-Esprit ne pousse pas à la désobéissance, n'est-ce pas, frère Camille? Oui. Frère Cyril, c'est comment tu es silencieux là-bas? Tu défends seulement la sœur Alice? Non. J'écoute de façon très méthodique. Donc, regardez très attentivement. Quand Dieu a donné le commandement, c'est à nous de nous arrimer à ses commandements. Ce n'est pas à ses commandements de nous arrimer dans nos situations. Amen. Donc, c'est à nous de nous régler pour nous conformer à ses commandements. Par exemple, si Dieu me dit, s'il me dit que c'est à 18h qu'il doit prier, je ne dois pas dire qu'au cas où je suis au travail jusqu'à 18h. Il m'a seulement dit je dois prier jusqu'à 18h. Donc c'est à moi de m'arranger à prier à 18h. Et si mon travail tombe à 18h, je dois m'arranger maintenant à soit respecter le travail ou à respecter Dieu. C'est ici qu'on connaît les vrais croyants. Que Dieu vous bénisse. Autre question? Oui, j'ai une question. Oui. D'abord, je me présente, je m'appelle Gigi. Oui. J'ai une petite voix, Il n'y a pas de problème, on entend. D'accord. En fait, ma question, c'est concernant l'habillement, justement, de la femme chrétienne. Oui. Parce que j'ai suivi un de vos enseignements, vous avez dit que les femmes ne doivent pas porter des pantalons. Pas de maquillage, pas de mèche et tout. Oui. À vrai dire, moi, ça m'avait un peu choqué. Bon, oui. Pas un peu, ça m'a vraiment choqué. Et là, tu as dit que tu m'attends, parce qu'on t'a dit que je viens là-bas, tu as dit que tu m'attends là-bas pour en découdre avec moi. Oui. Voilà. Pour dire vrai, c'est un peu ça. Oui. Et justement, ma question, c'est celle-ci. Est-ce qu'on est sauvé par des œuvres, nous, les chrétiens? Ok, bonne Sinon, question. C'est bonne question. Bonne question, ma soeur. Bonne question. Vous tous, vous qui êtes dans le monde entier, vous avez suivi la question, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Sa question touche la problématique même du salut. Vous voyez? Il y a une preuve que l'on est sauvé. C'est la marche dans l'obéissance. Vous voyez? Lorsque les gens ne veulent pas s'arrimer à la parole de Dieu ou bien en s'habillant comme Dieu veut, on essaie de chercher les fuites en avant. D'autres posent la question, s'il porte mon pantalon, est-ce qu'il va aller en enfer? La question n'est pas oui ou non si tu vas aller en enfer. La question c'est oui ou non, est-ce que tu marches dans l'obéissance? La question c'est, est-ce que c'est la parole de Dieu qui le dit? Vous suivez, n'est-ce pas? Par exemple, quand tu dis par exemple, est-ce que toi tu vis encore dans la fornication? Moi? Oui, moi, non. Pourquoi tu ne vis pas dans la fornication? Parce que je sais que c'est mal aux yeux de Dieu et Dieu nous demande de ne pas vivre dans l'impudicité. Merci beaucoup. Est-ce que si quelqu'un dans le monde arrête de forniquer, ça fait pour autant qu'il soit sauvé de la même façon? Donc, ça veut dire que tu es d'accord avec moi que si un mondain de la même façon arrête de forniquer, de vivre dans l'impudicité, elle n'est pas pour autant sauvée, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je crois que la sœur Suzanne, soit tu fais sortir ton enfant de la chambre, soit tu coupes ton micro. Parce qu'il est en train de... Coupe ton micro, sœur Suzanne. Coupe ton micro, tout simplement. Coupe ton micro. Alors, donc, ma sœur... finissons avec la sœur... Suzy du Maroc. Donc, tu remarques très bien que si le mondain évite l'impudicité, ce mondain n'est pas pour autant sauvé. Et par conséquent, c'est après le salut qu'on vit les œuvres de la foi. On ne vit pas les œuvres de la foi avant le salut. Donc maintenant, si tu dis que tu es chrétien, on marche. La Bible déclare dans Romains chapitre 6 que maintenant que nous sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans ces péchés-là? Regardez-vous donc comme morts au péché, comme vivons maintenant pour Dieu en Christ. Vous savez, vous suivez, n'est-ce pas? Et par conséquent, quand on dit qu'on est sauvé, on marche en nouveauté de vie. D'accord, mes chers? Éphésiens chapitre 4, le verset 17 et suivant dit, voici ce que je vous dis et je vous commande dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme marchent les païens. Donc, ça veut dire que quand vous étiez païen, comme tout le monde, quand vous êtes en Christ, votre vie change, vous marchez différemment. Alors là, chaque fois que vous allez poser la question, c'est, est-ce que ma vie est conforme aux païens ou bien à une nouvelle vie? D'accord? Oui. Oui. Après, je peux ajouter quelque chose. Oui, ajoute mon frère Camille. Que Dieu te bénisse. Frère Junior. Oui. Oui, c'est Jean-Paul depuis l'Allemagne. Ok, c'est tout. Oui, Jean-Paul. Allons-y. Je voulais ajouter quelque chose à propos de la question dont la sœur venait de poser là maintenant, à propos de l'habillement. Oui. Oui, en Afrique, on peut comprendre que la femme ne doit pas s'habiller comme... devoir porter le pantalon. Oui, mais là où il y a le foie, mais je te vois par venir. Exemple, ici à Trop, où les températures de foie descendent jusqu'à 30 degrés. Voilà. Est-ce que la femme qui avait la jupe, parce qu'elle évite de porter le pantalon, bonne question. Je crois par exemple les femmes musulmanes, tout le monde porte le pantalon. J'arrive. Est-ce que, comme la Bible dit que la femme. Oui, c'est bien frais, Jacques. Où, oui. Où est ma main au moins, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Vous êtes en Allemagne. Je vais poser la question à quelqu'un qui se trouve du côté d'un pays où il y a le froid. Frère Camille, essaie de répondre à sa question. Tu es au Canada. Et la soeur Carole, voilà. On a aussi une soeur qui est au Canada. Il va nous dire comment elle fait. C'est entre vous maintenant, les gens du froid. Frère Camille, tu as la parole. Tu sais que sur ce débat-là, je ne veux pas beaucoup de débat parce que la mienne porte encore le pantalon. Voilà. Applaudissons pour le frère, applaudissons pour le frère. Applaudissons pour lui. Voilà. Donc c'est mieux qu'on se tourne vers quelqu'un. La soeur Carole est aussi. Je crois que tu es à Montréal ou bien au Québec? Montréal. À Montréal. Voilà, dis-nous comment tu fais avec le froid là-bas pour que le frère Jean-Paul comprenne. Parce que ton froid qui est là-bas est grave plus qu'en Allemagne, quoi. Oui, et j'aimerais aussi savoir ses sentiments, qu'est-ce qu'elle peut vraiment dire. Si ce n'est pas seulement dire, disons, ce n'est pas dire seulement qu'elle porte la jupe parce qu'elle doit porter la jupe. Et comment elle ressent voilà, la température. Si la température lui plaît, la soeur Carole répond, si tu es... Pour dire honnêtement, c'est une grosse difficulté pour nous. Oui, voilà. Moi-même, à chaque jour, ça dit que l'hiver, c'est ma saison que je déteste le plus, simplement oui. Parce que des fois, quand je m'habille, je me régresse, je ressemble à une maman qui porte au chat. Oui. Je porte le pantalon, mais je dois mettre encore une longue jupe pour couvrir encore, pour au moins ne pas avoir cet habit qui expose les formes. Oui. Donc, pour trancher dessus et ne pas profiter pour porter le pantalon, je porte une jupe par-dessus. Oui. La soeur Jackie, tu as quelque chose à dire? Parce que tu ouvres ta bouche comme ça, tu dis que ah. En fait, je confirme ce que la soeur Carole dit. Oui. On essaie vraiment, mais c'est pas évident. Donc il y a les territoires ici où la parole de Dieu là, c'est difficile à respecter. Ce n'est même pas par rapport à respecter la parole de Dieu. Ce n'est même pas par rapport à ça, franchement. Je suis qui à ce niveau-là de l'hôpital, du pantalon. Mais moi, je suis au niveau de l'application. Oui. Parce que moi, je vois, par exemple, cette année où les températures ont réellement baissé. Et je te dis que si je n'allais pas la voiture pour me rendre au travail, j'aurais vraiment abandonné. Parce que c'est 7 minutes pour aller prendre le métro en jupe, c'est pas évident. Bon, si on prie que Dieu fait qu'il n'y ait plus de froid là-bas, où j'étais toujours de pantalon. Frère Junior, en été, on n'a pas ce problème-là. En été, il n'y a pas ce souci. Hein. Mais même en été, voilà, c'est pour dire que ce n'est pas un problème d'obéir à ne pas prendre le pantalon ou pas, mais c'est un problème de comment supporter ce poids avec cette tenue. Oui. Je dis que ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile. Amen. Oui, frère Steph, tu voulais dire quelque chose? C'est comme la soeur a dit, nous cachons en dessous pour couvrir, parce que c'est des astuces qu'on trouve. Oui. Elle met le pantalon, elle met le pantalon, elle met le court. Oui. Elle met le pantalon, après qu'elle fait, elle ressemble comme une femme qui va au champ. Mais voilà, elle ressemble à une mec qui va au champ. Moi, je vous pose une question. Le pantalon, c'est en 1850, ça a commencé. L'hiver, c'est après, depuis combien de temps ça avait commencé? Frère, j'ai quelque chose. Non, suivez d'abord ce qui est dit. J'ai dit le pantalon qu'on a là. C'est depuis 1950. Oui. 1950. Oui. L'hiver, oui. C'est depuis quel âge? Depuis quelle année? Ah. Depuis la création de la Terre. Ok, depuis cette création, les gens habitaient là-bas. On ne sait pas comment ils vivaient, mais on sait qu'ils avaient des sérieux problèmes. Ok. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Oui, quelqu'un voulait dire encore quelque chose. Pourquoi on a. Parce que vous venez de me donner un sujet sur lequel on va travailler. Oui, la sœur Flavie. Oui. On a deux questions. Oui, et à toi, dis-nous. Je finis et puis ma femme veut aussi poser quelque chose. Oui, allons-y. Bon, mon problème, c'est que, comme la Bible dit qu'on ne manque pas Dieu, parce que Dieu voit tout. Oui. Bon, maintenant, quand une femme met le pantalon et elle couvre avec une longue jupe, oui. C'est pour tromper la vigilance de qui? Parce que Dieu voit tout. Voilà. Dis-le directement, c'est pas moi. Donc ça veut dire qu'elles font plus 1, moins 1, ça fait 0, n'est-ce pas frère? Mais Frère Junior. Oui. Si je peux répondre à la question du frère, parce qu'il s'agit de nous les sœurs. Oui. Défends-les. En fait, ce n'est pas pour tromper quelqu'un, mais c'est pour notre propre conscience, parce qu'on a compris pourquoi le pantalon est mauvais, oui. Parce que ça expose les formes, ça met mal à l'aise les ceux qui sont autour de nous. Oui. Alors quand je porte un vêtement comme ça, pour ne pas que ça amène de telles choses, je mets une robe par-dessus ou une longue chemise par-dessus, afin que je m'habille décemment. Donc, dans ce moment, ça résout le problème de la décence et ça évite mon problème de tomber malade. Parce que moi, j'ai déjà eu à sortir sans mettre ça. Les blessures, les bobos que j'ai eu à la fin, c'était pas. Je n'avais même pas de voiture comme la sœur qui a de voiture pour prendre l'autobus et marcher. Donc, pour résoudre le problème du foie, j'ai mon collant. Et pour résoudre le problème de la décence dans la parole de Dieu, je mets ma juste pour couvrir et toutes mes formes. Et vraiment, c'était ça. Voilà. Alors, du coup, la sœur, je reste un moment tranquille parce que ton cas, c'est à part, d'accord, ma sœur? Allô, frère Junior? Oui, reste vraiment tranquille. Ton cas, c'est à part. Où est la sœur Flavie? La sœur Flavie voulait poser une question à la suite de son mari. Non, je voulais juste compléter, parce que tu as dit qu'avant, comment les gens s'habillaient. Oui. Quand on regarde, oui, même les films, donc par rapport à avant. Non, les films sont tournés à Hollywood après 1900. J'ai dit les films sont tournés à Hollywood. Donc Hollywood, c'est après 1900, donc ça va. Donc on continue. Okay. Autre question? Oui, non, que même les hommes se couvraient, donc les vêtements étaient longs. Ça, c'est Hollywood. Oui. Oui, à cause du foie. La sœur Ariette, bonsoir. Donc, la tête et tout là, oui. C'est la sœur Arrête qui est du côté de la France là, n'est-ce pas? Bonsoir. Huguette. Bonsoir. Huguette. La sœur Huguette. Bonsoir et bonne arrivée. Ça va? Bon, s'il n'y a plus. Si du côté du Maroc, parce qu'il voit que les gens du Maroc sont des gens de béret. S'il n'y a plus de questions du côté du Maroc, on peut commencer maintenant. Oui, oui, du côté du Maroc là. La sœur, votre sœur. Le verset de 1 Timothée 2. Oui. 9. Oui, 8-9. Allons-y. L'apôtre Paul dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, oui, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habit somptueux. Oui. Donc, frère Junior. Oui, ma soeur. En fait, ce que je veux vraiment que vous puissiez un peu m'expliquer, le sens du mot modestie, si c'est quoi alors? Bonne question. Très bonne question. La question d'abord, c'est pourquoi il recommande ça aux chrétiens alors que les chrétiens sont censés être saints? S'il est prescrit la modestie déjà. Pourquoi il donne ça spécifiquement à l'église? Alors que normalement, ce sont des gens qui sont saints. Donc, cette parole la montre clairement parce qu'il y a des gens et des pasteurs qui disent que Dieu ne regarde pas à l'apparence, n'est-ce pas? Oui. Et là, spécifiquement, il a traité le cas de l'apparence. Il dit qu'elle ne sait pas ni de. Donc, on ne doit pas retrouver cela sur elle. Pas vrai? Oui. Quand il dit ni d'or, ça suppose que l'or ne doit pas se retrouver sur toi, pas vrai? Oui. Ni d'argent, n'est-ce pas? Oui. Ni un peu de bijoux, pas vrai? Oui. Ni d'habits somptueux, pas vrai? Enfin, et Dieu aussi avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Et effectivement, oui. Avançons doucement, écoutez très attentivement. Souvenez-vous que chaque chose que les apôtres vont dire, ils vont amplifier ce que le Seigneur leur avait dit. Parce qu'il leur avait dit des choses en gros carton. Ceux-ci devaient détailler pour expliquer la pensée de Dieu. Vous suivez-vous pas? Si nous prenons par exemple, je vais prendre deux passages dans Matthieu. Si vous lisez Matthieu chapitre 5, les versets 28 et 29. Puis, Matthieu 28, les versets 10. Si je vais vite là, vous m'arrêtez. Parce que si ça me prend là, je vais aller vite. Donc, si vous prenez Matthieu chapitre 5, les versets 27, 28 et 29. Puis, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19. Vous allez remarquer que dans le premier passage que j'ai cité, le Seigneur va leur dire, qui vous a été dit que vous ne commettrez point d'adultère. Mais moi, je vous dis, si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Vous avez remarqué cela, n'est-ce pas? Oui. J'arrive par rapport à ce que l'apôtre Paul a dit là. Puis, si vous voulez parler, ceux qui sont en train de parler, si vous voulez parler, vous coupez le micro en parlant, s'il vous plaît. Puis, dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 et 19, il va donner l'ordre spécifique à ses disciples d'aller baptiser, puis enseigner à quoi? Enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il a dit tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a des choses que Jésus a prescrit à ses disciples. Et les disciples devraient les enseigner à tous ceux qui vont venir à lui. Nous sommes d'accord? Amen. Oui. Lorsqu'il apparaît à l'apôtre Paul, dans Luc, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, il a dit, je te suis apparu pour te montrer les choses que tu as vues et pour celles dont je t'apparaîtrai, n'est-ce pas? Amen. Donc, plus tard, après, s'être manifesté à l'apôtre Paul, il y a d'autres choses qu'il lui a données dans la révélation que nous n'étions pas là, mais que l'apôtre Paul a mis par écrit. Nous sommes d'accord? Amen. Dans Actes chapitre 20, verset 20 et suivant, il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher, n'est-ce pas? Oui. Amen. Donc l'apôtre Paul a donc annoncé le conseil de Dieu sans rien ajouter, sans rien retrancher. Et dans Galates chapitre 1, les versets 8 et 9, il a dit que même si c'est lui-même, eux-mêmes, ou bien même un ange du ciel viendrait annoncer autre chose qui soit anathème, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc nous pouvons être sûrs que lorsque le Seigneur Jésus-Christ faisait le détail sur la prostitution, il faisait état sur l'habillement de la femme et son comportement sexy. Nous sommes d'accord? Oui. Vous m'avez suivi là? Oui. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 27, 28, 29, il dit, vous avez appris qu'il a été dit que vous ne commettrez point d'adultère. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, parce que c'est quand il regarde, les yeux doivent fixer quelque chose pour que la convoitise naisse dans le cœur de l'homme qui a le regarder afin qu'il commette adultère. Nous sommes d'accord? Amen. Par conséquent, les détails que les disciples nous enseignent en disant que les femmes n'aient pas telle chose, n'aient pas telle chose. Là, ils sont en train d'enseigner ce que le Seigneur Jésus leur a dit dans le carton. Ils détaillent cela, d'accord, frères et sœurs? Oui. Alors, quand l'apôtre Paul dit que, qu'elle ne sait pas ni de ceci, qu'elle ne sait pas, pareil, ça veut dire orni, qu'elle ne sait pas ni de tresse, ni d'habits somptueux, ni d'or, ni d'argent, et ainsi de suite. Donc, il est, d'après ce verset, interdit à la femme de porter ces choses-là sur elle. Vrai ou faux? Vrai. Oui. Dans ce cas, pourquoi donc les femmes, donc, malgré qu'elles voient cela, elles disent que non, mais je mets seulement une seule pointe sur mes oreilles. D'abord, elles pèsent d'abord les oreilles, pourquoi? Bonne question. Bonne question. Voilà, donc, on va avancer, d'accord? On va avancer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc la modestie, la Saint-Carole, oui? Pardon, frère Junior, c'est ma dernière question. Oui, la dernière. Mais c'est depuis la semaine que je l'ai. Oui. J'ai lu Job. Oui. Il était réglo avec Dieu. Dieu l'aimait, il aimait Dieu. Oui. Mais après le diable, ma question en cours, c'est pourquoi Dieu a laissé le diable venir toucher à vos choses de Job. Pourtant, Dieu savait que même s'il touche, Job va toujours rester fidèle à lui. Ma question, pourquoi Dieu laisse les choses arriver? Pourtant, il sait qu'on l'aime. Ma soeur. Oui. Tu as eu le problème que tu as pleuré? Beaucoup même. Juste parce que les larmes ont coulé, pas vrai? Même les morts. Même les morts vont couler. Avant que Dieu ne te crée, il savait-il que ça devait t'arriver? Oui. Mais la question que se pose, c'est parce que le diable est venu lui dire que c'est pas, si tu touches la chose, il va t'abandonner. Et Dieu a dit que touche à l'homme. Est-ce que Dieu ne savait pas que même s'il touche, il va faire la main? Donc tu veux dire, est-ce que Dieu a besoin de preuves pour cela? Oui, est-ce que Dieu a besoin de preuves? Parce que lui, il connaît qu'on ne va pas l'abandonner. Mais pourquoi est-ce que je vais te répondre ça sur deux volets, d'accord, ma soeur? La Bible déclare premièrement que les prophètes de l'ancien temps étaient des écritures pour nous montrer les différentes facettes et les différentes formes de façon de Dieu d'agir. Parce que s'il n'y avait pas ça dans Job, tu ne pourrais pas comprendre que quelqu'un peut vivre droit devant Dieu et jusque-là, le diable le touche sous la permission de Dieu. Amen. Donc, c'était des laboratoires de Dieu pour tester leur vie afin de nous montrer clairement comment Dieu agit dans nos vies. D'accord? Amen. D'accord, ma soeur? Donc, maintenant, en lisant ça, tu peux avoir consolation. Ouvre maintenant dans ta Bible, dans Jacques chapitre 5, là, rapidement. Toi, comme toi, quelle est ta mission? Jacques chapitre 5. Jacques, le chapitre 5. C'est toi, mon frère. C'est quoi? Vous dites, hein? Ouvrez rapidement le livre de Jacques, c'est après Hébreu, là, comme ça on travaille. Nous sommes bénis, pas vrai? Vous aussi, là, ça nous est bénis, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. On est nettoyés. Nous sommes nettoyés. Si vous êtes dans Jacques chapitre 5, je vous donne les versets. Vous y êtes? On lit ensemble. Ok, regardez très attentivement, suivez dans votre Bible, je vais lire les versets 7 à 11. Je vais lire les versets 7 à 11 par rapport à ce Job là, ma soeur. Regardons. verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Puis dit verset 9, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Puis dit maintenant verset 10, prenez mes frères pour modèle des souffrances. Prenez mes frères pour modèle. Donc c'est les marques déposées des souffrances que Dieu a mises, d'accord? Prenez mes frères pour modèle des souffrances et des patiences, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, dont leur vie était des souffrances extampillées pour nous donner des modèles. D'accord? Par, verset 11, il dit, voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Puis il dit, vous avez entendu parler de la souffrance de Job. Vous y êtes? Oui. Vous avez vu là, on a écrit, vous avez entendu parler de la souffrance de Job? Oui. Vous avez vos Bibles devant vous? Oui. Je relis encore. Vous avez entendu parler de la souffrance de Job? Non. Non, de la patience. De quoi? La patience. Ok. Dans tous vos versets, c'est patience. Patience. Ok. Donc vous voyez que le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament amplifie en disant que le but du livre de Job, c'est d'apprendre la patience par la souffrance, n'est-ce pas? Oui. Parce que dans le chapitre 1 ici, la Bible déclare qu'il faut que la patience, que ceux qui souffrent patiemment, ça a un but pour parfaire notre foi afin que nous ne faillions en rien. Donc Dieu, dans la souffrance, est pur. Draine notre foi afin que nous soyons inébranlables lorsque le moment vient pour le nier ou bien pour l'accepter, d'accord? Donc la Bible nous dit ici qu'on prenne pour modèle les prophètes qui ont prophétisé, qui ont parlé de la part du Seigneur, leur modèle de souffrance. Puis il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job, il ne dit pas vous avez entendu parler de la souffrance de Job. Donc, quand vous dites, ne dites jamais que je souffre comme Job, non. Votre souffrance ne peut pas atteindre sa dimension. Dites que je suis patient comme Job, parce que ce qu'on parle dans Job, c'est plutôt la patience, pas la souffrance. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et pour que la patience se manifeste en vous, Dieu prend l'outil de l'école qu'il appelle la souffrance pour nous pousser à marcher dans cette patience-là. Vous êtes d'accord? En fait, ne soyez même pas d'accord, c'est ce qui est écrit là-bas. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc il ne s'agit pas dans le livre des Job de la souffrance, mais de l'école de la patience. Amen. Amen. Si parmi vous maintenant, Dieu dit maintenant que ce soir va commencer la marche dans la patience. Il ruine tout ce que vous avez jusqu'à ce que vous dormez dehors. Qui est prêt à lever la main en disant Amen Seigneur? Vous allez seulement dire que ce que Dieu a traversé là, ça suffit, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide, d'accord? Que Dieu nous aide à être fidèles à lui-même dans les mauvais moments, les moments les plus extrêmes. Amen. Ne prenez pas les choses de ce monde aussi pour être comme si c'est le sujet pour lequel Dieu doit se glorifier dans vos vies. Toutes les autres choses là, c'est au-dessus du royaume. C'est au-dessus, c'est par-dessus du royaume que Dieu vous donne cela. Le plus important, c'est notre âme dans le royaume. Amen. Voilà. Donc, toutes ces autres choses, c'est le complément. La Bible déclare que le monde est à nous. Tout ce qui est dans le monde est à nous. Ne vous inquiétez pas qu'on vole votre terrain ou bien qu'on prend n'importe quoi de vous, c'est pour vous. Amen. Amen. Alors. Je crois que c'est épuisant, maintenant on peut travailler. On peut travailler maintenant, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons voir un sujet maintenant par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir le sujet discerner la volonté réelle de Dieu dans chaque situation. Amen. Nous allons voir quoi? Discerner la volonté de Dieu dans chaque situation. Si on ne finit pas, parce que dès qu'il fait comme ça, dès qu'il parle là, des versets bibliques se placent devant moi directement. Il y en a plein. Je vais vous en donner plusieurs. Et si le Seigneur le permet, dans la première partie et la deuxième partie, on va développer cela davantage. D'accord? Vous êtes prêts? Oui. Commençons donc dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Matthieu, le chapitre 7. La sœur Suzanne du Pays-Bas, j'espère que tu n'es pas allongé comme ça en dormant. Non, pas du tout, je n'ai. Ok. Matthieu chapitre 7, nous allons commencer par là dans la lecture. Suivez très attentivement. Et n'oubliez pas le sujet. Ne vous éloignez pas du sujet, d'accord? Oui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ici à jeûne depuis une semaine, je crois. Donc, après, nous allons couper le jeûne tout à l'heure avec la bouillie et le beignet. Et tout ce que nous allons faire, c'est envoyer pour vous par SMS. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Mm-hmm. Matthieu, le chapitre 7. Nous avons beaucoup de versets à lire concernant ce sujet. Matthieu, chapitre 7. Discerner la volonté de Dieu dans chaque situation. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a l'enfant là. Si vous avez un enfant qui va vous fermer votre micro, vous nous écoutez seulement, s'il vous plaît. D'accord? Ne permettez pas que les enfants dérangent. C'est le moment-ci. Parce que le Seigneur nous a réunis ici pour que les choses soient restaurées et arrangées dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'une des choses les plus importantes pour les êtres humains sur la terre, c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu dans ce qu'il en est de faire. En fait, celui qui suit Dieu, ou bien veut marcher comme Dieu veut, devrait chercher à savoir quelle est la pensée de Dieu dans ce qu'il en est de faire. Malheureusement, le monde a tellement embrouillé les gens avec la recherche scientifique, avec le scientifisme et le descartisme. On veut toujours être cartésien, c'est-à-dire qu'on veut quelque chose qui est la preuve. Amen. Mais la marche dans la foi, c'est la sensibilité avec le Saint-Esprit qui amène ces choses aussi. Il faut être en connexion avec le Saint-Esprit. Je vais prendre quelques situations pour que vous compreniez, avant de toucher la volonté. Je dis, on va brosser ça sur 3 ou 4 enseignements. On ne peut pas épuiser ça ce soir-ci. Maintenant, suivez très attentivement. Vous êtes né dans une famille, pas vrai? Oui. Avez-vous choisi d'y venir? Non. Des situations vous arrivent comme des problèmes, ou bien même des bonnes situations, oui ou non? Amen. Avez-vous cherché cela? Non. Il y a des situations que vous évitiez même, ça vous arrive, pas vrai? Vous devez admettre qu'il y a une situation dans vos vies, ou bien une personne dans vos vies qui contrôle vos vies malgré vous. Vous devez admettre cela. Amen. Qu'il y a une personne plus grande que vous qui dirige vos vies même sans votre volonté. Amen. Parce que vous êtes d'abord né là où vous ne souvenez pas. La majorité d'entre vous, si on vous demande qu'on vous ramène encore sur la terre dans votre famille, vous dites jamais non. Non, non, non, non, non, non. Vous allez dire que vous allez naître chez Donald Trump maintenant, pas vrai? Pas vrai, frère? Il y a des gens chez qui on dit que si vous voulez encore naître africain, ils disent jamais en Amérique. Pas vrai, les frères là-bas? Amen, amen, amen. Amen. Mais il est une chose. La Bible déclare qu'afin que la volonté de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, il fut dit, dans Malachie chapitre 1, le verset 2, il fut dit, l'aîné sera assujetti au plus petit. Vous voyez, avant qu'aucun de ne naisse. Là, Dieu a dit cela. Notez Romains chapitre 9. Notez tout le Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Vous voyez, là, les gens qui veulent participer maintenant, je ne peux plus m'arrêter pour joindre là parce qu'ils ne sont pas sur cette direction là-bas. Vous avez noté Romains chapitre 9. Vous avez noté. Maintenant, Dieu a un but donc pour tout changer. Je vais tout vraiment le calmer ici. Si quelqu'un va vous allez dehors. Parce que quand ces choses se passent devant nous, faisons attention maintenant. Dieu a un but qui fait dérouler toutes choses. Vous avez un but pour lequel vous êtes assis maintenant. Vous qui m'écoutez maintenant, vous avez un but pour lequel Dieu nous a fait asseoir ici maintenant. Il y a des gens qui ont tenté des situations dans leur vie, ça a été bloqué, ils ne comprennent pas pourquoi. Juste à ce que vous vous retrouvez dans un autre domaine, et là vous comprenez que c'est dans ce domaine-ci que vous devez être. Sans que Dieu ne vous ait parlé. Il vous a conduit dans ce domaine-là, jusqu'à ce que vous êtes là-bas. D'accord? D'autres personnes, Dieu les laisse dans l'entêtement, jusqu'à ce qu'ils partent tomber dans le goul, dans la gueule de Satan, avant que Dieu vienne les délivrer là-bas dans la détresse. Là, maintenant, ils commencent à chanter le cantique de la délivrance. Amen. Là, maintenant, ils peuvent amener à prendre l'obéissance. Quand Dieu leur dit de ne pas avancer, ils n'avancent pas. Qu'est-ce qui amène ces choses-ci? C'est la compréhension de la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre la volonté de Dieu si vous ne connaissez pas ses manières d'agir. Vous devez comprendre ses manières d'agir. Alors, l'une des manières d'agir de Dieu, c'est de travailler de façon immuable. C'est-à-dire que s'il a présenté quelque chose dès le départ, c'est un type et un modèle que la prochaine fois, c'est comme ça qu'il va faire pour les mêmes situations. Vous suivez? Amen. Par exemple, pour les femmes qui n'enfantent pas. Si vous dites que oh, je m'en vais chez le barabou, allez prendre les enfants antichrist. Vous allez remarquer dans la Bible, tous ceux qui ont été, stériles, Dieu les a visités au moment opportun pour un but bien précis. Amen. Toutes les femmes stériles de la Bible que Dieu a visitées ont été des enfants qui sont sortis, sont des prophètes. Vous avez remarqué? Il y a toutes les femmes stériles de la Bible que Dieu a ouvert le vent, c'était des prophètes. Alors, ça veut dire qu'il ne voulait pas qu'elle couche n'importe quel enfant. Donc, c'est une bénédiction d'être stérile. Oui, ce sont les hommes. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les hommes qui ont dit ici Amen. Pourtant, ils sont en train de parler de la femme. La Bible, il dit c'est une bénédiction pour la femme d'être stérile. Si vous êtes stérile selon Dieu, c'est une bénédiction. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 54, réjouis-toi, femme stérile, celle qui n'enfantait pas. Comment une femme qui n'enfante pas va se réjouir puisqu'elle veut l'enfant? Et parce que l'espace de ta tente élargit tes cordes et l'espace de ta tente. Car les enfants de la délaissée sera plus nombreux que ceux de la femme qu'on considère. Vous avez cela? Alors, il y a une bénédiction dans derrière la stérilité. Vous me suivez? Maintenant, si vous pleurez toute la nuit, je suis d'aller à la volonté de Dieu. Si vous pleurez toute la nuit, ça va changer la situation? Non. Ça veut dire qu'il faut rester sous la direction du Saint-Esprit. Notez le livre de Jean, Luc chapitre 1, versets 5 à 11. Je vous ai dit qu'il y en a plusieurs versets. Je vous ai donné des tas comme ça. Mais il veut parler, il faut que plante le décor pour bien parler de ces choses-ci. Regardez Élisabeth. Élisabeth avec Zacharie. J'ai dit Luc chapitre 1. S'il vous plaît, vous qui êtes dans le monde entier, si je vais vite, vous me dites, frère Junior, stop, d'accord? D'accord, c'est bon. Luc chapitre 1, les versets 5 à 11. Dans ce Luc chapitre 1, on parle de l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth qui étaient avancées en âge. La Bible déclare qu'ils étaient irréprochables. Ils observaient de manière irréprochable les lois, les ordonnances de Dieu. Mais sa femme, Élisabeth, était stérile. Elle n'enfantait point. Avancée en âge, donc ils avaient atteint l'âge qu'on appelle la ménopause jusqu'à ce qu'elle dépassait. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et il a donné un enfant qui a été, que donc Jésus dit, parmi les hommes qui sont nés des femmes, il n'en a point paru que Jean. Vous avez suivi ça, frère? Vous avez suivi? Oui. Donc si vous, vous voulez avoir les enfants vulgaires de marabouts, allez chercher n'importe quel enfant de marabout pour venir créer des problèmes pour la délivrance. Vous avez, vous qui étiez ici pendant qu'on délivrait les deux jeunes filles ici en journée, qui était là? Vous avez vu ce que les parents font, non? Les deux jeunes filles, toute la maison, la puissance des sorcelleries dans la maison, c'était là. Je crois qu'après l'enseignement, là, je vais mettre les vidéos, vous allez les voir la délivrance. C'est terrible. Les grands-parents, et le grand-parent est mort, l'esprit de marabout est dans la famille. Il dit, on a possédé toute la famille, parce que c'est une famille de lumière. Donc toute la maison est hantée, tout, de la maman jusqu'au jeune garçon, tout le monde est possédé. Dieu a délivré les deux là ici. Amen. Qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on n'est pas serein pour attendre le temps de Dieu. On va chez le marabout par ci, on va chez le marabout par là. Il faut attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu, c'est discerner quelle est la volonté de Dieu par rapport à la situation présente que tu vis. C'est ça, attendre le temps de Dieu. Pour attendre le temps de Dieu, il faut d'abord que tu répondes à la question, pourquoi, d'après Dieu, je suis dans cette situation? Parce que si c'est une situation causée par le diable, il faut que ça s'arrête. Si c'est une situation causée par Dieu lui-même pour te maintenir pour une situation bien déterminée, vous dites seulement gloire au Seigneur, Seigneur, continue ton œuvre en moi. Vous me suivez, frère? Amen. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, discerner la volonté. Je vais vous dire le pourquoi c'est bien et c'est très important, sinon capital pour nous tous de discerner la volonté de Dieu. Parce que, un, si vous ne discernez pas la volonté de Dieu, vous n'y marcherez pas. Vous n'y marcherez pas. Parce que si vous ne savez pas ce à quoi vous êtes appelé, déjà que vous n'êtes pas en train de faire la chose, c'est à quoi vous êtes appelé. Et par conséquent, vous savoir ce à quoi Dieu vous attend, Dieu attend à ce que vous fassiez. Pas vrai? Lisons dans Matthieu chapitre 7, nous allons découvrir cela là-bas. Matthieu le chapitre 7, je vais lire à partir du verset 13. On y va. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouve. Donc vous voyez les proportions. Les gens qui vont aller dans la perdition sont plus nombreux que ceux qui vont aller au paradis. Mais nous sommes dimanche par exemple aujourd'hui, combien de personnes invoquent le nom du Seigneur Jésus? Combien appellent Jésus le Seigneur? Alors là, quelle est la différence entre ceux qui vont entrer et ceux qui ne vont pas entrer? Ceux qui ne vont pas entrer, qui n'ont jamais appelé Jésus, ils vont aller à raison parce qu'ils n'appartiennent pas à Jésus. Mais le problème c'est que dans le camp de ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus Christ, il y a encore du tamis là-bas. Dans le camp de ceux qui appellent le nom du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui disent Dieu, Jésus, j'appartiens à l'église, il y a du tamis là-bas. C'est ici donc se trouve le vrai problème. Donc, le peu de gens qui les trouvent, c'est après qu'on ait nettoyé le camp religieux. Nettoyer le camp religieux pour faire ressortir ceux qui appartiennent à Dieu. 2 Timothée 2, 19 à 20 dit, nous dit clairement que le Seigneur a ses paroles qui lui sont des sceaux, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, tout ce qui dit que j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon sauveur. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. C'est toi qui chantes comme ça là. Est-ce que Jésus a dit que tu appartiens à moi? Tu appartiens à moi. Tu appartiens à moi. Oh. Jésus a dit ça? Non. Donc, si tu chantes, j'appartiens à Jésus. Et lui, il ne chante pas que vraiment, mon fils, tu appartiens à moi. Tu appartiens à moi. C'est que tu te trompes. Mes brebis entendent ma voix. je les connais et elles me connaissent. Elles viendront. Vous avez entendu ça dans la Bible? Amen. Alors la Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19 et 20 que le Seigneur a ses paroles qui lui servent. Ce sont deux paroles. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Ce qui lui appartient. Donc il connaît donc tout ce qu'on fait sur la terre là, il connaît les siens. Il dit quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc il y a l'iniquité à s'éloigner. Si on prononce le nom du Seigneur, pas vrai? Amen. Donc la connaissance de la voix du Seigneur, c'est connaître sa volonté, c'est-à-dire que ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Comment il veut que tu vives, comment, ce qu'il veut que tu évites, ce qu'il veut, la manière dont tu veux que tu vives. Pas vrai? Amen. Mais il y a des gens qui appellent le nom du Seigneur Jésus-Christ, continuent à vivre dans la fornication. Vivent eux dans le monde, rien n'a changé. Amen. Et ils croient qu'en disant que Seigneur, je te donne ma vie, que tout va marcher comme ça, que Dieu va comprendre. Il est un Dieu d'amour, disent-ils. Il est un Dieu qui est miséricordieux, disent-ils. Ils n'osent pas appeler que c'est un feu dévorant. Ils appellent seulement le Dieu d'amour. Pourtant, il y aura quand même les gens en enfer qui vont brûler. Ces gens-là, ne savaient-ils pas que Dieu est amour? Souvenez-vous de ce que ça veut dire. La sélection et le tamis sera rude du camp de tous ceux qui l'appellent Jésus-Christ comme leur Seigneur. D'où la nécessité. Il y a un enfant qui a débarré dans une maison quelque part là-bas. C'est fermez votre micro. Vous qui avez un enfant qui a des grisouillés là, fermez le micro pour qu'on n'ait pas le dérangement. La soeur Suzanne, ferme ton micro. Donc, si on ne discerne pas la volonté du Seigneur, on ne peut pas savoir comment il marche. Et par conséquent, on va rater la chose tout en appelant son nom. C'est ici que nous allons découvrir dans ce Matthieu chapitre 7. Écoutez très attentivement. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce n'est même pas encore le sujet. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins? Vous y êtes avec moi? Cueille-t-on quoi? Des raisins. Sur? Vous avez vu, n'est-ce pas? Maintenant, regardez bien. Je vais lire le verset 17 rapidement. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Écoutez très attentivement. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est comment? L'arbre dont on a parlé ici, c'est quoi, frère? L'arbre dont on parle, on parle de qui? On parle de l'homme. Donc tout homme qui ne produit pas le fruit que Dieu attend, il sera où? En enfer. Donc, comme il a parlé à la parole, les gens n'aiment pas entendre cela. Alors la question c'est, quel fruit sont les produits? Comment ça va si le fruit que je produis est le fruit qui est agréable à Dieu? Vous devez vous poser des questions. Vous devez vous poser des questions sérieusement. Si votre vie est digne du Seigneur. L'apôtre Paul avait dit dans ce livre de Philippiens, il dit avant que l'État ne vienne, de toute façon, que j'entends que vous marchez d'une manière digne de l'évangile de Christ. On doit marcher digne de l'évangile de Christ. On ne doit pas être comme ceux qui sabotent le nom du Seigneur Jésus dehors. On entend que c'est tel pasteur a couché avec telle fille, tel pasteur a escroqué telle personne, tel pasteur a divisé telle famille. Ne faites pas cela. Vous ne vous en sortirez pas devant le Dieu Tout-Puissant. Ne faites pas cela, nous ne sortirez pas. Vous êtes vraiment. Alors regardons ici. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Puis je vais m'arrêter au verset 21 qui est terrible. Écoutez très attentivement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, entreront tous dans mon royaume. Non. Qui a cette version avec lui là-bas dans le monde? Non. Vous avez la même version? Le frère Cyril, c'est la même version que tu as? Non, dans ma version, on dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, il suffit de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume. C'est ça chez vous? Non. Ok, donc ça veut dire que c'est le négatif également chez vous, pas vrai? Ok, maintenant la Bible déclare ici, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Dieu veut par là dire. Que tous ceux qui vont dire que je te donne ma vie comme Seigneur et Seigneur, ce n'est pas tous ceux-là qui vont entrer. Donc, dire que Jésus est mon sauveur, mon Seigneur n'est pas une certitude que tu vas entrer. Mais il donne clairement, de façon indélébile, indiscutable et immuable dans ce verset, la marque de ceux qui vont en. Qu'est-ce qu'il dit par la volée suivante? Mais, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, sont ceux-ci qui vont en. La question maintenant c'est, Dieu veut nous indiquer ici les catégories des personnes qui entrent dans le royaume. L'être humain sur la terre pour dire que non, si quelqu'un vit dans le péché, Dieu va quand même tolérer. Moi je vis seulement dans un péché, l'autre là à 400, mais ma part est bien est mieux. Si c'est mieux, tu seras dans un degré de feu, mais tu seras quand même dans le feu. Et il n'y a aucun degré dans le feu de l'enfer qui est mieux. Si tu es en prison de New Bell, tu es prisonnier mineur, et l'autre est prisonnier majeur, prisonnier de femme, vous n'êtes pas en prison. Vous êtes quand même le prisonnier. Ça sera extampillé dans ton cahier judiciaire condamné. On dit observation condamnée pour délit pour ceci. Ça sera écrit dans ton cahier judiciaire, donc ton cahier judiciaire est salé. Vous me suivez, frère? Alors, notre Seigneur Jésus-Christ vient nous mettre la base. Il nous a mis la base que pour entrer, n'entre que ceux et ceux-là seuls qui font la volonté de son Père qui est dans les... Quand un chrétien lit ça, normalement, il doit s'arrêter. Il va dire, ok, quelle est donc cette volonté pour que je puisse l'accomplir, et sachant que je peux entrer. C'est pour ça qu'on rencontre un chrétien aujourd'hui. Il dit que je suis sauvé, je crois que Jésus-Christ vient. Vous présentez deux écritures. Vous dites que tu penses que si bien maintenant tu vas entrer. Il dit que non, moi je croyais que je pouvais entrer, mais avec ce que tu as dit là, c'est fort. Vous comprenez ça? Donc, elle ne savait pas, cette personne-ci, qu'il y a des choses à faire. Comme par exemple, cette soeur a posé la question, que, mais est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Si on prêche sur ceux qui vont entrer là maintenant, vous allez voir effectivement qu'elle va dire que mince, donc c'était dit comme ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que la sélection, Jésus a dit qu'il y a plusieurs appelés, mais peu sont élus. Il a prêché un jour, c'était difficile, parce que quelqu'un s'est tourné, il a dit que mince. Le rythme que tu prêches là, il n'y a qu'un petit groupe à t'entendre. Il s'est tourné vers, il a dit que efforcez-vous d'entrer. Il a dit efforcez-vous d'entrer, car plusieurs voudront entrer. Donc il y aura des gens qui vont se battre sur la terre pour entrer le royaume de Dieu, ça ne leur sera pas permis. Si la grâce est descendue jusqu'à vous, vous verrez, mais faites attention, de prêter attention à la grâce. Donc Jésus dit qu'il y aura plusieurs qui se battront pour entrer, mais ils ne pourront pas entrer. Il dit efforcez-vous d'entrer. Il dit, quand le Fils de l'homme se sera levé et fermera la porte, il sera difficile d'y entrer. Voici le jour du salut. Voici le temps des grâces. La main tendue du Seigneur est encore là. Saisissons cette opportunité pour manifester sa volonté. Je recommence encore. D'après le verset 21, qui est-ce qui entre dans le royaume? Maintenant, je vous pose la question. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Jésus a de dire? Que veut dire faire la volonté de Dieu? Je vous le dis. Suivre ses commandements. Suivre ses commandements. Deutéronome 22, verset 5 dit qu'une femme ne portera pas le vêtement d'homme. C'est un commandement, oui ou non? Absolument. Voilà, maintenant, on continue ici. Amen. Amen. Amen. Amen. Non, ça va. Ne dis plus de Amen. Ça va. Donc, Jésus dit, c'est ceux-là qui portent la volonté de Dieu à cœur. Ils marchent d'après elle. C'est ceux-là ceux qui vont en. Donc, Jésus n'a pas demandé ton appartenance. Dans quel groupe tu étais sur la terre? Ton père était-il un prophète? Ton père prêchait-il bien? Non. Chacun va passer avec son casier judiciaire. Tes actes de culpabilité, de condamnation. Alors vous allez savoir si oui ou non vous avez fait sa volonté. Donc, dis à ton prochain, là maintenant, cherche à connaître la volonté de Dieu pour y marcher. Au nom de Jésus de Nazareth, vous tous dans le monde entier, cherchez à connaître la volonté de Dieu. C'est quelle la volonté de Dieu? Amen. Pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi il est venu en prenant un lit pour présenter au monde afin de nous racheter? Dieu, dans l'Ancien Testament, avait donné pour image les sacrifices qu'on devait sacrifier pour montrer son image. Amen. Si vous lisez Hébreux, chapitre 6, 7, 8, 9 et 10. Je m'arrête au verset 10, chapitre 10 particulièrement. Il dit, c'est en vertu de cette volonté, qu'il a dit, je viens au Père pour faire ta volonté. C'est en vertu de cette volonté. Donc, c'est parce que Jésus a dit, je viens pour faire ta volonté. C'est en vertu de cette volonté-là que nous sommes sanctifiés. Vous imaginez ce qu'il a dû faire? C'est à cause de la volonté que Jésus a dit dans Jean chapitre 10. Il dit que je donne ma vie de moi, mais personne ne me le loue. C'est moi qui je donne ma vie afin de la reprendre. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Vous avez vu cela? Il a décidé de donner sa propre vie pour nous. Afin que nous soyons sanctifiés pour entrer dans la volonté parfaite du Seigneur. Je recommence encore avant d'accélérer. Jésus dit ici, il y en a au moins 30 versets qu'on peut lire tout autour. Jésus dit qu'il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer. Donc cesse de dire Seigneur si ta vie n'est pas conséquente. C'est pour cela que vous entendez chaque fois qu'il dit, il y a des choses dans les enseignements, il dit, il ne développe pas. Je dis, si vous venez au milieu des rassemblements chrétiens, quelqu'un n'est pas chrétien, ne l'amenez pas, ça va le détruire. Si quelqu'un n'est pas appelé par le Seigneur, il va s'asseoir là-bas, commencer à entendre des choses, avoir le langage chrétien, croyant qu'il est chrétien, ne marchant pas en conséquence, après il va se tromper, aller en enfer. Vous êtes avec moi. Hein? C'est pour cela que quelqu'un doit être appelé. Si tu es appelé de Dieu, on ne te force pas d'aller, parce que c'est une force. Il y a n'importe quoi qui arrive, il dit, c'est toi qui m'avais amené dans cette situation. Mais si c'est Dieu qui t'appelle, tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix, ce n'est pas un homme qui je suis. Vous voyez la différence? Vous me suivez, frère? C'est pour cela que les gens sont au milieu de l'assemblée aujourd'hui. D'autres viennent, ils parlent. Parce qu'on les a seulement forcés. Quand ils regardent, ils sentent que non. La vie là, non, non, non. Vous allez me servir des choses de ce monde aussi. Ceux de la Bible comprennent la volonté de Dieu dans au Colossiens chapitre 3, verset 1. Si vous allez vous êtes ressuscité avec lui, avec Christ, cherchez des choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et quand Christ, notre vie, sera manifestée, nous manifesterons aussi avec. On comprend cela. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Donc Dieu a dit quelque chose. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Les volontés de Dieu sont explicites et implicites. Notez. Les volontés de Dieu, dans la Bible, sont explicites et implicites. Dans les deux cas, il faut qu'on aille dans la Bible, on voit ce qu'il en est. Les volontés de Dieu sont explicites et implicites. Écoutez très attentivement. Lorsque vous avez noté, lorsque la volonté de Dieu est explicite, vous n'avez pas d'excuses parce que c'est clair. Lorsque la volonté de Dieu est explicite, je vais vous expliquer, je vais vous donner des exemples, au moins dans deux dans chaque cas. Lorsque la volonté de Dieu est explicite, quand on dit explicite, on dit que c'est clair. Quand on voit, on sait que c'est la volonté de Dieu, d'accord? Si c'est explicite, vous n'avez pas d'excuses. Je vais prendre une seule volonté de Dieu, de façon explicite dans la Bible, ou bien deux ou trois, si vous voulez. D'accord? Je vais vous prendre... Merci Père, merci Père. Vous voyez, quand il dit, je vais prendre une volonté, je vois subitement, on me place des trois, on me sept sur la table. Après ici, mange ici, après ici, mange ici. Là, c'est l'entrée, là, c'est le milieu, là, c'est la sortie. Donc maintenant, on va prendre une des premières volontés de Dieu. D'accord? Lorsque Dieu a regardé l'homme, que l'homme est péché, l'homme était pécheur, Dieu a désiré que l'homme soit sanctifié. Lorsque Dieu a regardé l'homme et que l'homme s'est séparé de lui, Dieu a voulu que l'homme soit sanctifié. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la volonté parfaite de Dieu, c'est que l'homme soit saint comme il est saint. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 7 donne clairement, de façon explicite, l'une des volontés de Dieu. Notez. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 8, je vais les citer. Donne de façon claire et explicite, directe, l'une des volontés de Dieu. On va lire. Et ça soit doucement pour nous poser des questions. Si nous respectons sa volonté, souvenons-nous que c'est celui-là seul qui fait la volonté de Dieu qui va en. Amen. Donc chaque fois qu'on va lire la volonté de Dieu, de façon directe ou indirecte, si nous ne respectons pas, la sanction est claire. Que Jésus vienne là, nous n'entrons pas. Malgré que nous disons Seigneur, Seigneur. Seigneur. C'est que nous nous retrouvons dans le groupe qui dit Seigneur, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, il dit que je ne vous connais pas. Nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord que je vous donne des volontés explicites, puis des volontés implicites. Maintenant, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 8, vous qui êtes dans le monde entier, vous êtes avec moi, vous êtes avec nous là. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare donc, ce que Dieu veut. Quatre mots donnent la direction claire que c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que ça commence. Le verset 3 de 1 Thessaloniciens 4 dit clairement que ça, c'est ce que Dieu veut. Quand on dit, c'est ce que Dieu veut, c'est ça? Volonté. Donc ici, c'est de façon directe. Ce n'est pas à contourner qu'est-ce qu'on veut dire ici. Donc ce qu'on va lire par la suite, c'est ce que Dieu demande de nous. La volonté de Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est ce qu'il attend que nous fassions pour pouvoir entrer. En ce qui concerne cette affaire-ci, nous sommes d'accord? Le titre de notre enseignement, c'est quoi, mes frères? Dans chaque situation. Vous avez moi? Maintenant, regardez. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce qui est écrit, frère. Si quelqu'un n'est pas saint, entrera-t-il? Donc, Dieu veut en premier lieu notre sanctification. Lorsque le chrétien lit cette phrase, doit s'arrêter. N'est pas couru sur les versets de protection. Psaume 23, psaume 91. Dis à ton voisin, laisse les psaumes d'abord. Parce que tu peux être protégé maintenant du malheur. Et entre dans la géhenne. Où il n'y a nulle protection. Vous me suivez? Donc, ce qui est très important pour chacun de nous, ça serait de savoir ce qu'il va nous faire si Christ vient maintenant, nous entrions. C'est ça qui devait nous encombrer. D'accord? C'est ce qui devait nous préoccuper au plus haut point. Le chrétien moderne de cette époque, de perversité à outrance, devrait se poser à chaque jour la question. Suis-je prêt à rencontrer le Seigneur comme quoi? Comme Amos chapitre 4, verset 12, la partie C dit, préparez-vous à la rencontre de ton Dieu. C'est ce que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ce qui est écrit dans ce verset. Alors, est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Si Christ fait son entrée, la Bible déclare qu'il va partir comme l'éclair de l'Occident, de l'Orient, et se monte à l'Occident. Si les cieux se déchirent maintenant, et le très haut descend maintenant sur le cheval blanc, est-ce qu'il dit, montez? Est-ce que tu pourras monter, frère? Là, on ne prend pas sur les escaliers pour monter. Vous avez l'hélicoptère privé ou le jet privé, ça ne va pas arriver là-bas. Parce que tu tentes, c'est le souffle du Saint-Esprit qui va te renverser. Quelque chose doit te faire monter directement. Quelque chose. Cette chose-là, c'est Christ en vous. Si ça ne peut pas vous faire monter, ça veut dire que vous n'avez pas eu le temps de la nourrir ici. Alors, la sainteté est de façon irrévocable la poursuite de tout chrétien qui veut participer à l'enlèvement. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Vous êtes trop saints. Vous voulez être trop saints. On est sur la terre. On est sur la terre, mais en partance. Je suis sur la terre en partance. En partance, ça veut dire que je prépare mon départ parce que je suis un pèlerin ici. À tout moment, je peux quitter la scène. Et par conséquent, il faut que je m'arrange à être prêt à quitter la scène à tout moment. Soit vous quittez la scène de façon glorieuse, soit vous quittez pas. Il y a des gens qui sont allés dans le train, sont morts dans l'accident. Pas vrai? Avaient-ils programmé de mourir dans l'accident? C'était leur fin comme ça. Alors nous sommes en train de parler maintenant, il y a l'accident dans le pays. Là, à l'instant où je viens de parler, il y a l'accident dans le pays. Ceux qui viennent de mourir là maintenant, est-ce qu'ils avaient préparé cela? Chacun doit se préparer à sortir de ce monde-ci. Et le vrai problème, c'est que quand tu meurs, même si on fait n'importe quoi, quel culte d'action de grâce sur ta tête, c'est terminé. C'est le record de tout ce que j'ai fait jusqu'au moment où ton souffle est entré. C'est ça qui va te retenir contre toi, pas ce qu'on va faire après. Donc, préparez-vous dans la sainteté. Préparez-vous dans la sainteté. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Voilà la volonté directe du Seigneur. Voilà un autre verset que je vous ai donné. Vous avez vu ça? Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Voilà la volonté de Dieu. Donc Dieu nous attend dans la sainteté. Non. Mais même le pasteur la pêche. Non. Les pasteurs m'ont découragé. C'est pour ça qu'il ne peut plus suivre Jésus. Tu n'auras pas d'excuses devant Dieu parce que c'est individuel. Si un pasteur a péché, laissez-le tranquille, avancez dans la sainteté. Parce que sa vie ne doit pas être jugée par rapport à ta vie. Il va être jugé par sa vie et par l'implication de toutes les souillures qui vous a amenés. Mais toi, tu dois te tenir seul à seul devant le Seigneur pour ta propre vie. Alors donc, le fait que vous dites que c'est telle personne qui a handicapé ma foi pour que je ne continue plus à suivre Jésus, ça n'aura pas d'excuse devant Dieu. Il sera jugé parce que Jésus a dit, malheur par qui le scandale arrive. Il sera jugé pour cela, mais toi, tu n'auras pas d'excuse. Parce que la Bible déclare que c'est la même parole de foi qu'on prête. Tout le monde a la même Bible. Quand le pasteur fait quelque chose qui te dérange, la Bible t'a demandé de faire ces choses-là. Alors laisse ce qu'il a fait, fais ce que la Bible a demandé de faire parce que c'est ta vie. Si ça ne va pas, quitte-le. La Bible déclare que nous prions, frère, de donner deux avertissements à ceux qui vivent dans le désordre. Après deux avertissements, les mettre à côté. Vous suivez ça, frère? Alors, je suis encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. De façon explicite, les quatre premiers mots du verset 3 dit ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut dire voici la volonté de Dieu. Amen. Vous savez, mon frère? Amen. Je suis encore au niveau du deuxième verset. Il y a dit qu'il y a au moins 30 là. Alors il dit, c'est votre sanctification. Alors un chrétien qui veut faire la volonté de Dieu en mettant dans sa tête que Matthieu chapitre 7, verset 21 a dit, Seigneur, Seigneur, n'est pas suffisant pour parler, pour entrer. Mais celui-là, c'est qui fait la volonté de Dieu. Et si je viens de voir la volonté de Dieu écrit, voici ce que Dieu veut. Je dois m'arrêter pour poser la question 1. Cette volonté qui est exprimée, à cet instant que je suis de la lire, est-ce que je suis inclus dedans de façon défavorable ou bien favorable? C'est-à-dire, est-ce que je suis dans la sanctification? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quand je lis ce verset, est-ce que Dieu est en train de me dire là que je dois me sanctifier ou bien que je suis saint ou bien quel est mon état dans cet instant-ci, à cet instant que je lis cela? Pas vrai? Puis il dit, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité, porneria, impudicité, la masturbation, les fumes d'embrasserie, toutes les pensées perverses, les pornographies, notez tout ce que vous pouvez citer. Il dit que ce que vous abstenez de cela, abstenez, ça veut dire que n'est pas le faire. Nous sommes d'accord? Vous êtes devenu subitement calme comme ça. Vous êtes avec moi, hein, frère. Je suis obligé de dire ces choses pour que quelqu'un ne dise pas Seigneur, Seigneur pour aller de l'autre côté. Nous devons marcher dans la volonté, pas vrai? Voilà, maintenant. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous, vous avez la façon qu'il a mise là, hein? C'est que chacun, donc c'est individu. Pourquoi celle-là porte les boucles? Ton problème c'est quoi? Qu'est-ce que toi tu fais? Ce que Dieu veut, c'est votre santé, c'est individuel. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Dans la sainteté. C'est que chacun de vous sache, chacun de vous, c'est individuel. Amen. Sache posséder son corps dans la sainteté. Donc c'est une affaire individuelle. Si quelqu'un te pousse à aller vivre dans la fornication ou dans une autre dissolution, dis-lui que mon cher ami, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je dois vivre dans la sainteté. Amen. Vous suivez ça, frère? Amen. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Puis il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Une fois de plus, l'apôtre Paul ramène quoi? Éphésiens chapitre 4, verset 17 ici. Parce que là-bas, il avait déjà dit qu'on ne devait plus manger comme les païens. Donc les convoitises, les plaisanteries, les plaisirs des païens ne doivent pas être au milieu de vous. Le chrétien doit respirer la sainteté, désirer la sainteté, marcher la sainteté, respirer la sainteté, dormir la sainteté. Ça, c'est la page du chrétien. Vous me suivez, vous tous dans le monde entier? Le chrétien doit respirer la sainteté. La sainteté. La question c'est, qu'est-ce que Dieu appelle chez nous par sainteté? Vous devez répondre à cette question-ci. Qu'est-ce qu'il appelle par sainteté? Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Mais au milieu chrétien, vous entendez, je vais d'abord vivre avec lui pour que par la suite, il m'épouse. Si on s'embrasse en attendant, y a-t-il problème? C'est sa chair qui veut la tuer comme ça. C'est la chair ici. Mais Dieu dit que c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Comment posséder mon corps dans la sainteté? 1 Corinthiens chapitre 6. Les versets 19 et 20 disent ici. 1 Corinthiens chapitre 6. Je vous dis, les versets vont venir. Le chapitre 6, versets 19 et 20 disent, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit, dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à... On dit, glorifiez donc Dieu. Christ nous a rachetés à un grand prix. Ce prix-là, c'est inégalable. On ne peut pas rembourser. Il dit, glorifiez-vous. Vous avez pour rôle de glorifier. Donc, votre corps doit être utilisé maintenant, désormais, pour glorifier Dieu. Mais un chrétien dit, Seigneur, je t'aime. Mais mets ses seins dehors. Tu lui prêches l'évangile en lui pointant le doigt que tes seins que tu mets dehors, là, ça va payer un enfer avec toi si tu continues. Il dit, qu'est-ce que j'ai de mal? Ça a quoi de mal à cela? Ah, c'est voilà maintenant. Il dit, ça a quoi à voir? Et Jésus, lui, il dit dans la Bible, quand il citait ça au départ, que si un homme regarde une femme pour la convoiter, donc si un homme voit tes seins, il te convoite, vous êtes dans l'adultère. Apocalypse chapitre 1, chapitre 21, verset 8 dit, mais pour les lâches, les incrédules, les adultères, les abominables, les menteurs et tous les enchanteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc si un homme a commis l'adultère avec toi, par ton habillement, tu seras en enfer avec Amen. Lui. Amen. C'est simple que possible. Amen. Vous entendez cela? Oh, attendez, ne vous inquiétez pas, on a des versets qu'on va lire. Alors, la sainteté touche tous les domaines de notre vie. Amen. Dans les paroles, on doit être sanctifié. Dans notre façon de comporter et dans l'habillement, on doit être sanctifié. C'est ce que Dieu attend. C'est son standard, lui, pas notre standard. La soeur qui a parlé de modestie aujourd'hui, elle est là. Comment tout le monde se ment comme ça, là? Que Dieu vous bénisse. C'est comment? La volonté de Dieu vous a bloqué, c'est comment vous êtes tous comme ça, calés comme ça? Ok, vous suivez. Que Dieu vous bénisse de toutes les façons. Je ne dois pas vous garder pour longtemps parce que c'est la première partie. La semaine prochaine, on va entrer dans les détails, dans la deuxième partie avec des versets qu'on va développer. Amen. Matthieu, nous sommes dans Matthieu chapitre 7, n'est-ce pas? Nous avons lu Matthieu chapitre 7. Je vous ai donné 1 Corinthiens chapitre 4, j'ai cité les versets 3 à 5. Je veux que vous regardiez. Le verset continue en disant, c'est que nul n'use de fraude et de cupidité dans des affaires. Donc si quelqu'un est cupide et use de fraude dans des affaires, il dit, Dieu, car Dieu tire, le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses-là, comme nous avons déjà recommandé. Puis il dit, si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, mais qui? mais Dieu lui-même qui vous a donné son Saint-Esprit. Alors, toute volonté de Dieu, rejetée ou non pratiquée, c'est rejeter directement l'entrée. Parce que rejeter Dieu. Rejeter la volonté de Dieu, c'est rejeter d'entrée. Rejeter la volonté de Dieu égale rejeter le royaume. Rejeter, refuser que la volonté de Dieu s'accomplisse sur toi, c'est refuser d'entrer dans le royaume. Parce que Jésus a dit, seul celui-là, seul qui fait la volonté, se met en œuvre dans la volonté de Dieu, qui entrera. C'est ça, frère. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Notez Jean, livre de Jean. Chapitre 4. Jean, chapitre 4. Notez le verset 34 de Jean. Jean, chapitre 4, le verset 34. Vous êtes avec moi? Notez Jean, chapitre 5. Je ne sais pas si les gens se me suivent de l'autre côté. Jean chapitre 5, le verset 30. Jean chapitre 4, le verset 34. Nous allons lire tout à l'heure. Ou bien je vais vous citer ce qu'il a dit. Jean chapitre 5, verset 30. Verset 30. Vous y avez moi. Amen. Jean chapitre 6. Amen. Verset 38 à 40. Amen. Jean chapitre 6, verset 38 à 40. Je commence par le premier que j'ai lu pour vous voir. Jean chapitre 4, verset 34. Qu'est-ce que ça dit? Écoutez très attentivement. Nous disons chrétien. Vous dites que tu es chrétien. Tu es qui? Je suis chrétien. Que veut dire un chrétien? C'est un suiveur de Christ. Christ est notre exemple. Voilà ce que lui dit, d'accord? Écoutez très attentivement. Je lis et je nous pose la question. Jésus dit, verset 34. Jésus leur dit, vous y êtes tout le monde? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voici celui que nous suivons. Il dit quelle est sa nourriture? Il dit quelle est sa nourriture, frère? Et d'accomplir son œuvre. Donc il n'est pas là pour venir entrer dans les distractions. Il n'est pas là dans les distractions. Il est là pour faire la nourriture de celui qui l'a envoyé. Question. Nous disons que nous suivons qui au juste? Vous suivez qui? Jésus. Alors, quelle est votre nourriture alors, vous? Selon Dolin. Quand vous levez la tête, donnez-nous le pain de ce jour. Vous attendez seulement à la nourriture, non? Oui. Il dit sa nourriture à lui, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, il n'a pas de temps à perdre. Il doit faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Pourquoi? Parce que celui qui l'a envoyé attend en retour le compte rendu de son envoi. Le bilan de sa mission. Alors, si Dieu vous appelle maintenant, quel bilan fera-t-il de vous? Avez-vous accompli sa volonté? Chacun doit se poser cette question. Nous sommes d'accord. Chapitre 5, verset 30. Avançons. Chapitre 5, verset 30. Vous êtes avec moi? Chapitre 5, le verset 30. Regardez. Jésus, notre Seigneur, dit encore, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, en toute chose, quand Jésus voulait prononcer n'importe quoi, il se pose d'abord la question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse ceci? C'est pour ça qu'il ne peut pas agir sans que Dieu ne l'ait ordonné. Mais aujourd'hui, nous sommes plus intelligents que Jésus au point où on fait les grandes campagnes, on demande aux gens d'apporter l'argent, d'apporter les mallettes, on espère que Dieu va faire. On est attend que Dieu nous dit, va organiser une campagne là-bas parce que je veux guérir pour que tu partes. Vous voyez là, n'est-ce pas? On part, on dit qu'apporter, Dieu va faire. Quand Dieu ne fait pas, on dit que quand Dieu ne fait, le fils de faire, maintenant on dit que c'est parce qu'on n'a pas la foi. Au moment où ça ne va pas, on amène les esprits démoniaques là-bas pour jeter sur vous. Tu tombes, tu fais waouh, waouh, waouh, alors que c'est les esprits démoniaques qui sont agités. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il dit qu'il lui est toujours agréable parce qu'il fait toujours sa volonté. Allons dans le chapitre 6, disons le verset 38 à 40. Notez également le chapitre 9, le verset 30 et 31. Notez. Chapitre 6. Chapitre 6, verset 38. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est que la première partie. On va développer cela dans la seconde partie. Regardez verset 38, regardez. Vous y êtes. Venez de verset 38 à 40. Car je suis descendu du ciel pour voir la Coupe d'Afrique. Non. Vous avez vu ça, frère? C'est pas ce qui est écrit dans votre version là-bas. Non. C'est pas celui qui m'a envoyé. C'est pas la Coupe d'Afrique qui est chez vous? Non. Ok. Regardez bien. Il est descendu du ciel pour un but précis. C'est pas vrai? Dans Hébreux chapitre 10, il dit que c'est pourquoi il est écrit dans le rouleau de livre, il s'agit de moi, que je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. La volonté exprimée de Dieu, ce qui vient mourir. Regardez, même à Golgotha, quand il va prier, après il va prier, il va dire, non pas ma volonté, mais là, tiens, s'il est possible que cette coupe se lève de moi sans qu'il la boive. Puis il dit, non pas la mienne, mais, non, mais les chrétiens d'aujourd'hui, il dit que tu dois sortir balayer mes ennemis, je ne veux pas entendre. Donc, si c'est ta volonté qu'il soit là-haut, je ne veux pas entendre cette volonté. Balayer-les, il est trop souffert comme ça. Voilà notre chrétien d'aujourd'hui, il ne veut pas souffrir. Mais Jésus, notre Seigneur, dit ici que, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je pose la question. Nous qui nous disons chrétiens, nous vivons pour qui? Ou mieux, nous sommes censés vivre pour qui? Et si nous vivons pour qui? La volonté de qui doit s'exprimer et expliciter dans notre vie? Alors la question c'est, marchons-nous dans cette volonté? Ou mieux, la connaissons-nous? Si nous ne la connaissons pas, ce soit au nom du Seigneur Jésus-Christ, que chacun commence à chercher la volonté de Dieu. Amen. Si vous ne connaissez pas, que chacun commence à chercher la volonté de Dieu. Je ne parle pas de la volonté de Dieu pour survivre sur la terre, comment, qu'est-ce qu'il veut manger demain. Ce n'est pas ça dont je suis en train de parler. Le plan de pourquoi tu es sur la terre, Jésus dit ici qu'il sait exactement c'est pourquoi il est là. Il n'est pas venu sur la terre. C'est pour ça que les Jeux Olympiques se passent en Grèce, il n'est pas pour se distraire là-bas. Il sait qu'il est là pour un but. Il peut dans un bourg de Samaritains, il annonce l'évangile. Les gens amènent les malades, il est guéri. Puis on l'amène pour empêcher pour qu'il reste là-bas. Si c'était les gens aujourd'hui, il avait fondé une église là-bas pour dire sur le quartier général. Il a dit non, vous pouvez me retenir. Il faut aussi que je parte dans d'autres lieux pour annoncer l'évangile. Car c'est pour cela que je suis venu. Il connaissait c'est pourquoi il était là. Voilà ce qu'il dit ici. Il dit, verset 38 encore, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Puis il dit quelle est cette volonté parce qu'il la connaît. Vous voyez? Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Vous entendez cela? Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ que je ne peux jamais me perdre. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ nous dit ici que. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Enfin, ne soyez pas d'accord. Voilà l'écriture. Il dit quand il est venu avant le rouleau. Ah oh mon Dieu, je peux sauter ici là maintenant. Mon nom est écrit dans le livre de vie, mon cher ami, je peux vous danser là maintenant. Mon nom est écrit là en haut. Mon nom est écrit en haut, il n'y a jamais, ça ne sera effacé. Regardez bien. Quand il est descendu ce jour avec le rouleau, Dieu a écrit le nom de tout ce qu'il va sauver. Il dit, oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Donc, Dieu a dit, quand tu vas sur la terre mourir là, tu dois sauver tout le monde qui se trouve ici. Tous ceux qui sont mentionnés, si tu dois les retrouver. Ah, gloire soit rendue à notre Père. Puis dit, mais que je le ressuscite au dernier jour. Tous ceux qui sont ici, va, rachète-les, puis en dernier jour, ressuscite-les. Mes chers amis, vous devez chercher la volonté de Dieu pour y marcher. Amen. Donc Jésus-Christ vient, il donne le plan d'action, c'est pourquoi il est venu ici. Je suis venu mourir pour certaines personnes que Dieu m'a données, et je ne dois perdre personne d'eux. Et puis voilà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que quoi? C'est que je ne perde personne de ce qu'il m'a donné. Je dois mourir pour eux. Et puis au-delà, je vais les ressusciter. Amen. Vous entendez ça, frère? Amen. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Amen. Vous avez vu cela? Continuons. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Vous avez vu? Amen. Dans ce passage-ci, Jésus nous a donné les contenus des plans de rédemption qui expriment la volonté de Dieu. Va sur la terre, les gens qui sont ici, parce qu'il a dit que ce qu'il m'a donné, il m'a donné, donc il les connaît déjà. Il m'a donné, va, rachète-les. Voici ta mission. Ne rate pas ta mission, rachète-les tous et ressuscite-les le dernier jour. Amen. Voilà la volonté de Dieu. Maintenant, il dit donc que ceux-là, donc, quand il est venu, quand il rachète, quand il le voit, il croit, ils ont la vie éternelle. Il les appelle donc quiconque. Amen. Amen. On continue, frère. Amen. Regardez encore. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Chapitre 9. Vous êtes content, n'est-ce pas, frère? Amen. Que Dieu vous bénisse. Là. Que Dieu vous bénisse. Donc, je suis en train de parler de la volonté directe, explicite du Seigneur. Chapitre 30. Le chapitre 9. Dans ce chapitre 9, il y a un homme qui va naître sous les yeux de plus verset 1. Vous faites de m'éloigner des enfants qui sont bavardés. Dans le chapitre 9, vous allez voir un homme qui est né. dans le chapitre 9, vous allez voir un enfant qui est aveugle de naissance. Donc, à partir du verset 1 du chapitre 9, les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ que est-ce que cet enfant-ci, c'est parce qu'il a péché ou bien ce sont ses parents qui ont péché? Il a dit, ce n'est pas ni à cause de ses péchés, ni à cause des péchés de ses parents, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Amen. Donc Dieu a voulu dans sa préscience que cette personne se naisse comme ça, pour que ses œuvres se manifestent. Amen. Amen. Et là, quand il va guérir cet homme-là, ils vont aller partout là-bas dans le synagogue, ça va créer un remous, parce que la jalousie va s'installer au milieu des hommes religieux. Au verset 30 maintenant, on va interroger cet homme à plusieurs reprises. Au verset 30 et 31, il va aller lâcher quelque chose. Lisons le verset 30 et 31. Regardez bien. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Puis il leur dit, c'était avec le dit, nous savons, donc c'est une certitude, pas vrai? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, hein, et fait quoi? Sa volonté. C'est celui-là qu'il exauce. Le suivi, frère. Dis à ton voisin, cherche la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Vous devez discerner la volonté. Là où vous retrouvez le reste, vous devez savoir si oui ou non Dieu agrée votre position. Vous devrez savoir. Vous devez savoir. Cherchez Dieu. Cherchez sa face dans la prière. Communiez avec lui. Recherchez sa divine face jusqu'à ce qu'il se présente à vous. Recherchez tant que ce contact n'est pas créé. Ce contact divin n'est pas créé. Ce contact d'assurance entre vous et le Saint des Saints. Ne quittez pas sa présence. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Le Seigneur Jésus a dit dans ce livre de Luc chapitre 21, verset 34 et suivant, il dit que prenez garde que cela ne vous arrive que vos peurs, que votre cœur ne s'apaisantisse par des excès de manger, par les soucis de la vie. Vous voyez cela? Que le souci d'avec eux, prenez garde. Parce que si vous battez là de comment je vais manger, comment je vais réussir, ça va vous aveugler. Votre cœur sera endurci. Vous ne pouvez plus avoir la sensibilité de l'esprit. Vous ne pouvez plus savoir l'important de connaître la volonté de Dieu et y marcher. Vous dites avec moi, frère. Amen. 1 Jean chapitre 2, allons-y là-bas. 1 Jean, notez. 1 Jean au chapitre 2. Mais c'est plein là dans la Bible. Je dis, c'est la première partie. Je ne sais pas combien de parties ça va nous aller. 1 Jean au chapitre 2. Jean chapitre 2. Notez les versets 14 et 15. Je vais citer. Notons même les versets 16 à 17. Hein? Verset 16 à 17. 1 Jean, le chapitre 2, verset 16 à 17. Permettez-moi de trouver. Ah, par la suite, on va aller dans le chapitre 5. Écoutez très attentivement. Regardez. Chapitre 2, verset 16 à 17. Regardez. Oh mon Dieu. Prenons même à partir du verset 15. Regardez bien, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Regardez. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure. Vous voyez que c'est la même chose que le Seigneur a dit à Matthieu chapitre 17, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être autrement parce qu'il avait dit que ses disciples doivent expliquer ce qu'il leur a enseigné. Dans Matthieu 7, verset 21, que nous avons pris dans la base, il dit que ça ne suffit pas d'appeler Seigneur, Seigneur. Ce verset que nous sommes lui, nous voit effectivement les mondains chrétiens. Ou mieux, les chrétiens mondains. Ils continuent à vivre dans le monde, chantent le rap chrétien, sanctifié, font le yo yo yo yo chrétien, ya ya ya ya chrétien, en citant le nom du Seigneur Jésus-Christ, tout en s'appelant chrétien. Et Jésus dit ici, le Saint-Esprit dit ici, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils prennent les choses dans le monde, ils disent qu'ils peuvent sanctifier cela. Jésus dit, n'aimez pas ça, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, dont son inspiration vient du Père, du mensonge. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, ne vient point du Père. Donc, tous ceux qui inspirent ces choses, qui nous créent de convoitise, là, ce n'est pas sous l'inspiration divine. Amen. Ne vient point du Père, mais du monde. Il dit, et le monde passe, et sa convoitise. Donc, ça vous dit, toutes ces choses vont passer, y compris donc, ceux qui vivent dans cette convoitise vont passer. Puis il dit, mais celui-là qui fait la volonté de Dieu, il demeure. Éternellement. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, celui-là, ceux qui vont entrer, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 12. Dans Matthieu chapitre 12. Allons-y là-bas. Non, finissons ici au chapitre 5. Allons au chapitre 5. Je me sens vraiment bien là. C'est seulement vous qui pouvez me faire cesser, ceux qui sont dans le monde entier. Sinon, je prêcherai jusqu'à 22h. Je vous le dis. Dans 1 Jean chapitre 5, les versets 14 à 15. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Donc, pour demander quelque chose à Dieu, il faut savoir si c'est dans sa volonté que vous demandez. Vous voyez cela, frère? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon ça, donc on ne demande pas n'importe quoi à Dieu. On ne demande pas n'importe quoi à Dieu. Nous lui demandons quelque chose selon sa volonté et nous écoute. Voilà pourquoi toutes les prières, au mieux la quasi-totalité des prières des chrétiens sont obsolètes. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un devant un démon et dit que « Sors !» Le démon dit que « Je ne sors pas. » Juste que la personne est fatiguée, pas. Parce qu'il ne demande pas selon la volonté de Dieu, il ne sait pas s'il est dans la volonté de Dieu. Vous voyez cela, frère? Alors, nous avons auprès de lui cette assurance. Voici une assurance, une certitude sûre, plus que la sûreté de la réalité que nous voyons. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui, à qui ça, frère? À Dieu. Nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est pour cela que le Seigneur Jésus pouvait demander un bon corps au Père, et il était exaucé. Il voit quelque chose, il dit, Père, je savais que tu m'exauces et que tu m'exauces toujours. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas sa volonté, mais la volonté de ce qu'il a envoyé. Puis il dit, Lazare, sors. Il remercie Dieu de lui donner la solution avant de prier. Et il ne prie même pas, il commande. Ah, vous parlez de la Bible. Amen. Amen. L'apôtre Pierre rencontre ce monsieur-là, il dit que je n'ai ni or ni argent. Il ne dit pas que, attends, il va me préparer. Hein? Il dit, je n'ai ni or ni argent, Seigneur. Pardon mes péchés de l'autre jour, tu connais très bien que je suis faible. Pardon ma père, je n'ai plus fait cela. Si tu peux guérir le monsieur, si. Guéris-le, lui aussi ton fils, non? Non, ne fais pas ça. Ce que j'ai, je te donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça règle le problème. Qu'est-ce qu'il est? Il est dans la volonté parfaite de Dieu. Il dit que si vous faites ces choses, si le Père sera glorifié dans le Fils. Quand on est venu dans le temple, on a voulu lui pied, il a dit non. Comment vous nous regardez comme si ce n'est pas notre propre puissance, notre capacité que cet homme s'est debout? Il dit, c'est par la foi dans le nom de Jésus-Christ que son nom a raffermi cet homme que vous voyez devant vous. Amen. Marcher dans la volonté de Dieu, discerner sa volonté dans chacune des situations. Alors je pose la question. Vous qui êtes là, êtes-vous sûr si oui, non, il vient maintenant, vous partirez. Si vous rentrez aujourd'hui, que vous dormez, parce que l'enlèvement peut venir à une nuit de votre côté, alors que c'est jour de l'autre côté. Si vous dormez, vous vous levez et que ça a eu lieu, vous ferez comment, frère? Il n'y a pas de ralenti. Il n'y a pas une deuxième chance. Dis à ton voisin, cherche la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. On avance. Amen. Matthieu chapitre 12. Matthieu, le chapitre 12. Je crois que c'est ce qui est sorti de ma bouche tout à l'heure. C'est ça? C'est ça. Allons-y forcément là-bas dans le verset 50. Matthieu, le chapitre 12. Le verset 50. Regardons ce qui est écrit là-bas dans le verset 50 de Matthieu chapitre 12. Vous êtes avec moi. Que Dieu notre Père vraiment vous bénisse. Regardez. Je vais lire à partir du verset 46. Hein, pourquoi on arrive au verset 50? Notez le verset 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant sa main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Puis justifie sa parole en disant, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Fin de citation. Amen. Amen. Fin de la première partie de l'enseignement. Nous allons continuer la prochaine fois. Donc, dire que je suis chrétien n'est pas là. En réalité, c'est qui un chrétien? C'est celui-là seul qui fait la volonté du Père au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la vraie et authentique définition du mot chrétien. Celui-là seul qui fait la volonté du Père au travers du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne savez pas comme ça, alors vous vous retrouvez dans la partie A de Matthieu chapitre 7, verset 21. Vous allez dire Seigneur, Seigneur, et ne pas y entrer. Ici, il dit, On est venu le voir alors que la réunion se tenait là-bas, il était en milieu comme il était là. Et puis sa maman, comme il y avait la foule, on essaie de procéder pour passer. Quelqu'un est venu là-bas, dit Jésus, Jésus, vous voyez, il y a tous les gens pour distraire. Comme on avait prêché les enfants, on a distrait. On a voulu le distraire. Que ton père et ta mère, tes frères et ta mère se cherchent dehors. Dit, qui? C'est qui ma mère? C'est qui mon père? Et tous ceux qui font la volonté de mon père qui est dans le ciel, ceux-là sont mon père, ma mère, mes soeurs. Amen. Amen. Que Dieu notre Père vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Amen. Et qu'il vous donne de comprendre et chercher sa volonté. Amen. Jusqu'à ce que vous l'ayez retrouvé. Amen. Qu'il vous bénisse. Dans la deuxième partie, on va développer davantage. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui sont dans le monde entier. Amen. Amen. Amen. Je vais vous relancer pour prier pour vous, d'accord? Je vais vous relancer parce que mon ordinateur est bloqué là. C'est figé. Donc j'éteins. Pour vous relancer, vous tous, vous allez redresser. Je ne vois bouger. Vous me voyez bouger? J'ai fait quoi? Si, si, oui. J'ai fait quoi alors?